بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc pour poursuivre cette réplique à l'audio de Sofiane Abou Ayoub, nous allons maintenant entrer, bi'idhnillahi ta'ala, dans le vif du sujet. Tout d'abord, en citant ce qui s'est passé. Il y a environ 6 mois de cela, durant un de mes cours, j'ai mis en garde contre Sofiane Abou Ayoub en citant 2 raisons principales. La première, le fait qu'il fasse des fatwas alors qu'il n'est pas habilité à le faire. Et la deuxième, le fait qu'il critique des chouyours salafis. Suite à cela, Sofiane a fait un audio d'environ 2 heures pour défendre sa personne. Et en écoutant cet audio, je n'en revenais pas d'entendre autant d'erreurs et de mensonges au nom de la science islamique. Dans cet audio, le frère est tombé dans le mensonge, dans la tromperie, dans la prétention, dans l'ignorance composée et dans l'infidélité à la science. Et c'est ce que je vais démontrer dans cette réplique bi'idhnillahi ta'ala. Également, suite à cela, Bouzaïd a fait parvenir par le biais d'un frère, un message mail au frère Abdelmalik, le responsable du site Sunna Publication. Dans ce mail, dans ce message, Bouzaïd dit au frère qu'il pense du bien de lui et qu'il a de la rahma, de la miséricorde pour lui. Et que donc il lui laisse 48 heures pour se désavouer de moi et pour nettoyer son site. Sans quoi Bouzaïd serait dans l'obligation de l'inclure dans une soi-disant liste de fatanin, de fauteurs de troubles, qui devrait être présentée à des savants. Chose que l'on attend toujours d'ailleurs. Bref, en toute sincérité, j'ai voulu répliquer sur le champ à l'audio de Sofiane, mais plusieurs frères, étant impliqués dans la da'wa, m'ont demandé d'attendre. Et donc, après mûre réflexion, j'ai préféré laisser le temps. J'ai préféré laisser passer le temps avant de répliquer. Et en gros, les raisons. Les raisons pour lesquelles j'ai préféré attendre, elles sont multiples. D'une, pour faire attention à mon intention. C'est-à-dire pour que ma réplique ne soit pas un règlement de compte ou une vengeance personnelle, mais qu'elle ait pour unique but d'éclaircir la vérité conformément à la charia. De deux, également, parmi les raisons pour lesquelles... Parmi les raisons pour lesquelles j'ai préféré attendre avant de répliquer, afin que les esprits se calment et que les gens ne réagissent pas par impulsion ou par passion. Parce qu'après, ou parce que au moment où il y a eu donc cette mise en garde, puis la réponse de Sofiane, etc., il y a eu beaucoup d'agitation sur le net et ailleurs. Donc j'ai préféré attendre que les gens se calment pour expliquer les choses calmement. Troisième raison pour laquelle j'ai préféré attendre, c'était pour que des frères qui m'ont contacté à ce moment-là Certains frères avaient l'intention d'aller parler une énième fois à Sofiane afin de lui expliquer ce qu'il lui reproche et lui démontrer ses erreurs afin de le faire revenir à la vérité. Donc, j'ai voulu attendre que ses frères essayent de faire revenir Sofiane sur ses erreurs avant de m'exprimer. J'en profite aussi pour dire que cette mise en garde n'avait pas pour but de démontrer toutes les erreurs que je connais de ce frère. Car cette mise en garde, elle a eu lieu au milieu d'un cours, au milieu d'un de mes cours. Lorsque j'ai parlé d'un sujet qui avait un rapport avec certaines choses qui sont reprochées à Sofiane, donc je les ai citées pour montrer que Sofiane n'est pas quelqu'un de confiance dans sa connaissance et ni dans son manhaj. Cependant, je ne comptais pas entrer dans tous les détails. Car sachez que ça fait près de 7 ans que je sais des choses sur Sofiane par des personnes que je connais très bien qui ont parlé avec lui sur différents sujets. Et ça fait des années que je dis à des frères qui sont proches de lui de le conseiller pour le faire revenir sur ses erreurs. Et si vous vous demandez pourquoi je ne l'ai pas fait moi-même, yani pourquoi je ne l'ai pas conseillé moi-même, eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a déjà quelques années de cela, j'ai su de sources sûres qu'il n'acceptait pas mes paroles et qu'il n'avait pas confiance en moi. Donc moi, en espérant le bien pour ce frère, j'ai préféré confier cette tâche de le conseiller à des personnes de qui il aurait pu accepter plus facilement leurs conseils. Et c'est cela que nous ont appris les savants, que si tu sais qu'une personne n'accepte pas de toi directement, alors passe par quelqu'un qui pourra mieux parler avec elle. Car le but est de faire revenir celui qui est dans l'erreur à la vérité, peu importe la personne qui sera la cause de sa guidée. Et malgré cela, malgré les multiples frères qui ont essayé de le conseiller, il n'y a pas eu de résultat positif. Également, en juin 2012, j'ai rencontré certains frères pour discuter des problèmes de Sofiane et de ses amis, Bouzaïd, Abbas et Hatim notamment. Et j'avais conseillé aux frères de s'asseoir avec eux pour noter les points qui n'allaient pas et appeler les savants avec eux pour tout régler en douceur. J'ai donné le même conseil à Youssef Abou Anas en juillet 2012, pendant le Ramadan, lorsqu'il est venu en Arabie Saoudite pour effectuer une Umrah. Mais ceci n'a pas pu se réaliser pour des raisons que j'ignore. En tout cas, lorsque j'ai vu l'audace de Sofiane à parler sans science, ainsi que son entêtement dans la polémique et le danger qu'il représentait pour les jeunes salafis, j'ai mis en garde contre lui. Et malgré cela, j'aimerais qu'il sache que j'ai beaucoup invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, avec le plus de sincérité possible, de le faire revenir à la droiture et à la vérité, et d'unir notre parole sur la voie des salafs. Et Allah est témoin de tout cela. Mais ne voyant pas de changement chez lui et ses amis, j'ai pensé que le moment était venu d'éclaircir toute cette histoire et qu'il était temps de répondre à son audio qui nous montre clairement à qui nous avons affaire. J'avais commencé à écrire une longue réplique détaillée à l'audio de Sofiane, en arabe. Mais après un certain temps, j'ai vu que certaines questions abordées pouvaient être hors du domaine de compréhension de beaucoup de frères. Donc, j'ai décidé de faire une réplique résumée en citant uniquement les points essentiels. Et j'en profite aussi pour dire que je m'étais arrêté d'écrire cette réplique pendant près de 6 mois. Et lorsque j'ai décidé de la terminer, je ne pouvais y consacrer que peu de temps, par-ci et par-là, vu que j'avais d'autres occupations plus importantes, telles que mes cours avec Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, ma thèse de magistère et d'autres choses personnelles. Ceci dit, dans la version longue de la réplique, j'avais noté plus de 50 points à aborder. Et donc je n'en ai choisi que 10 parmi ces 50 que je vais expliquer bi'ivnillahi ta'ala, et je vous demande d'être attentif afin de bien comprendre à quel jeu joue ce frère, qu'Allah le guide. Tout d'abord, premièrement, ou premier point, en ce qui concerne l'abrogeant et l'abrogé. Parmi les choses que j'ai citées dans ma mise en garde, le fait que Soufiane n'est pas apte à faire des fatwas. Et cela parce que les savants ont émis de nombreuses conditions pour celui qui se consacre à la fatwa, parmi lesquelles le fait qu'il ait connaissance de l'abrogeant et de l'abrogé. Al-Nasikh wa al-Mansour. Et j'ai demandé à Soufiane où avait-il étudié l'abrogeant et l'abrogé, qui est une des conditions du mufti. Et donc la réponse de Soufiane sur ce point, quelle fut-elle? Il dit, en parlant de l'abrogeant donc et de l'abrogé, cours qui entre parenthèses, j'ai fait et enseigné un bon nombre de fois, ne serait-ce qu'au centre du palmier deux fois, et à l'école de Sevran une fois. Ça, c'est les fois où je l'ai enseigné, dans Usul al-Tafsir et dans Usul al-Fiqh. Sans compter le nombre de fois où on a, grâce à Allah, assisté à ce genre de cours, que ce soit devant les mashayikhs, comme Cheikh Saad al-Shafri, ou dans nos nombreuses lectures dans Usul al-Fiqh et dans Usul al-Tafsir. Fin de citation. Très bien. Donc, vous voyez bien que Soufiane, par rapport à ce point-là, il nous dit qu'il a enseigné, qu'il a enseigné ce sujet, l'abrogeant et l'abrogé, plusieurs fois. Mais le fait que Soufiane ait enseigné l'abrogeant et l'abrogé plusieurs fois, deux fois, trois fois, dix fois ou même mille fois, là n'est pas la question. Donc je ne vois pas pourquoi il cite cela. Combien de gens enseignent des choses qu'ils ne maîtrisent pas? En fait, la vraie question est de savoir où Soufiane a-t-il étudié cela pour pouvoir ensuite l'enseigner aux autres. C'est ça la vraie question. Et là-dessus, il nous répond que grâce à Allah, il a pu assister à ce genre de cours un grand nombre de fois devant les mashayikhs comme Cheikh Saad al-Shafri, et également il nous dit qu'il a eu de nombreuses lectures dans le sujet. Subhanallah. Donc déjà il nous dit qu'il a pu assister à ce genre de cours devant les mashayikhs au pluriel, puis il nous en cite qu'un seul qui est Cheikh Saad al-Shafri. D'accord. Bref, on va juste te demander, ya Soufiane, quel livre as-tu étudié dans l'abrogeant et l'abrogé avec Cheikh Saad al-Shafri? À quel moment as-tu étudié ce livre-là ou ces livres-là? Et combien de temps l'as-tu étudié? En sachant que Cheikh Saad al-Shafri n'est venu en France qu'une ou deux fois, à ma connaissance, et pour de courts séjours. D'accord? Donc, si je te pose ces questions-là, ya Soufiane, c'est parce que lorsque tu dis sans compter le nombre de fois où on a, grâce à Allah, assisté à ce genre de cours, quand tu dis cela, tu donnes l'impression d'avoir étudié ce sujet en long et en large. Alors que toi-même, dans ta réponse, tu dis un peu plus loin. que ton étude de l'abrogeant et l'abrogé a été une étude sommaire, c'est-à-dire une étude abrégée, et que tu n'es pas rentré dans tous les détails de cette science. Donc maintenant, je te demande, lorsque les savants ont émis comme condition au mufti qu'ils connaissent l'abrogeant et l'abrogé, lorsque les savants ils ont émis cette condition, est-ce qu'ils veulent dire par là qu'il doit avoir une brève connaissance de cela, ou bien qu'il doit avoir une connaissance approfondie dans le domaine? Je pense qu'il est évident pour tout le monde qu'ils veulent dire par là que le mufti doit avoir une connaissance approfondie du sujet et qu'il doit connaître les versets, les hadiths et les jugements qui ont été abrogés, ainsi que les textes qui les ont abrogés. Ce qui n'est pas ton cas par ton propre témoignage. Puis pour nous montrer qu'il connaît ce domaine également, Sofiane nous dit qu'il a eu de nombreuses lectures dans le sujet. Masha'Allah. Mais Sofiane, est-ce que tu as bien compris ce que tu as lu dans le sujet? Qui parmi les gens de science a attesté de ta bonne compréhension de cette science de l'abrogeant et de l'abrogé? Je pense que cette question restera sans réponse. Donc après tout ça, comment tu peux te permettre d'enseigner cette science ou ce sujet alors qu'on ne sait même pas si tu l'as bien compris ou pas? Et comment oses-tu faire croire aux gens que tu connais l'abrogeant et l'abrogé et que ça te permet de faire des fatwas? Le deuxième point concernant la divergence des savants sur l'autorisation pour le muqallid de faire des fatwas. Sofiane dit qu'il y a une grande divergence dans son audio. Sofiane dit qu'il y a une grande divergence entre les savants sur cette question. C'est-à-dire, est-il permis au muqallid de faire des fatwas? Je précise que le muqallid, c'est celui qui n'a pas la capacité de faire un ijtihad à cause de son ignorance. Donc, Sofiane cite qu'il y a divergence sur cette question. Puis, il invite l'auteur à revenir au livre Irshad al-Fuhul de Shawkani, en disant que Shawkani a cité les différents avis sur la question et qu'il a cité une parole d'Ibn Daqiq al-Eid qui explique et autorise le muqallid à faire des fatwas. Donc d'abord, je dis à Sofiane, certes, il y a une divergence sur la question. Mais quel est l'avis prépondérant selon les preuves du Coran et de la Sunna? Est-ce que le simple fait qu'il y ait divergence dans la question veut dire que les deux avis sont conformes à la vérité et qu'on peut choisir l'avis que l'on veut? Fais-tu partie de ceux qui disent que tout mujtahid a raison? Fais-tu partie de ceux qui disent que tout savant a raison dans son ijtihad? Reviens à Irshad al-Fuhul de Shawkani et tu verras la réfutation détaillée qu'il fait à ceux qui disent cela. Et si je cite ça, c'est parce que malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de frères utiliser la divergence pour légitimer leur position. Hein? N'est-ce pas? La divergence est devenue une preuve indiscutable. Masha'Allah. Tu lui dis, « Ya Akhi, les manifestations sont interdites. » Il te répond, « Il y a une divergence sur la question, certains savants l'autorisent. » Tu lui dis, « Ya Akhi, il ne faut pas aller combattre en Égypte, car c'est une fitna, il faut rester chez soi. » Il te répond, « Il y a une divergence sur la question, certains savants disent de sortir pour aller combattre. » Tu lui dis, « Ya Akhi, n'écoute pas telle personne, n'écoute pas tel shir, car les savants ont mis en garde contre lui. » Il te répond, « Il y a une divergence sur la question, certains savants le recommandent, etc. » C'est-à-dire, c'est comme si Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous avaient donné aucun moyen de savoir le vrai du faux. L'avis correct de l'avis erroné. Et que donc on pouvait faire ce qu'on veut sous prétexte qu'il y a divergence sur la question. Subhanallah. Allah n'a-t-il pas dit Naam, Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et à son messager, si toutefois vous croyez en Allah et au jour dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences, alors accrochez-vous à ma sunnah. Et à la sunna des califes bien guidés. Alors accrochez-vous à ma sunna. Et à la sunna des califes bien guidés. Donc dans le Coran et dans la sunna, ainsi que dans le consensus unanime des salafs, il y a une réponse à toutes les questions de divergence. Celui qui la connaît, celui qui connaît la réponse à ces questions, il la connaîtra, et celui qui l'ignore, l'ignorera. Et je vais juste citer un hadith qui prouve que ce n'est pas tout savant mujtahid qui a raison. Ce hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le juge fait un ijtihad, c'est-à-dire un effort d'interprétation, et qu'il atteint... et qu'il atteint la vérité, il obtient une double récompense. Et s'il fait un ijtihad et qu'il se trompe, il aura une seule récompense. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre bien que la vérité est une et que le juge ou le savant peut la trouver comme il peut se tromper. Et comme les savants ont expliqué, il faut savoir que ceci vaut pour celui qui a les capacités de faire un ijtihad. Celui qui a les capacités de faire un ijtihad, car il a étudié et maîtrisé les sciences indispensables pour pouvoir faire un ijtihad. Celui-là, s'il atteint la vérité, il aura deux récompenses, une pour son ijtihad et une pour avoir atteint la vérité. Et s'il se trompe, il n'aura qu'une seule récompense, qui est la récompense de son ijtihad. Quant à son erreur, elle lui sera pardonnée, car il a fait son possible pour arriver à la vérité, mais ne l'a pas atteint. Par contre, l'ignorant, ou celui qui n'a pas étudié les sciences indispensables à l'ijtihad, celui-là, qu'il atteigne la vérité ou qu'il se trompe, il prend un péché. Car il est entré dans ce qui n'est pas de son ressort. Et il a parlé dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Après, en ce qui concerne celui qui suit le savant dans son erreur, s'il n'a pas la capacité de comprendre la question, il sera excusé. Mais s'il s'entête dans l'erreur, après que les preuves lui aient été rapportées et qu'il les ait comprises, alors là, il sera blâmable. Il sera blâmable pour avoir suivi un avis contraire aux preuves évidentes. Bref, celui qui veut plus de détails sur la question, qu'il revienne au livre Irshad al-Fuhul de Shawkani ou bien Al-Mudhakira de Sheikh Mohamed al-Amin al-Shinqiti al-Salafi, rahimahullah, à ne pas confondre avec Mohamed Mukhtar al-Shinqiti, qui n'a rien à voir avec lui. Le premier, c'est Mohamed al-Amin al-Shinqiti. Celui qui a écrit le livre Le tafsir Adwa al-Bayan. Donc à ne pas confondre avec Mukhtar al-Shinqiti, qui n'a rien à voir avec lui. Et celui qui n'a pas la capacité de lire dans ces deux livres, Irshad al-Fuhul de Shawkani ou bien Al-Mudhakira de al-Shinqiti, Mohamed al-Amin, celui qui n'a pas la capacité de lire dans ces deux livres, eh bien qu'il regarde simplement ce qu'a dit Cheikh Mohamed bin Saleh al-Uthaymin dans l'explication de son livre « Al-Usul min ilm al-Usul » qui est beaucoup plus simple que les livres précédents. La deuxième chose que je veux dire ici, c'est par rapport au fait que Sofiane nous dit dans sa réponse, il nous dit que Shawkani rahimahullah a rapporté une parole d'Ibn Daqiq al-Id autorisant le muqallid à faire des fatwas. Mais ce que Sofiane n'a pas dit, c'est que Shawkani, après avoir cité la parole d'Ibn Daqiq al-Id, il a réfuté tous les arguments d'Ibn Daqiq al-Id. Et il a démontré la fausseté de sa parole avec des preuves tranchantes. Donc pourquoi, ô Sofiane, tu rapportes à tes auditeurs que Shawkani a cité la parole d'Ibn Daqiq al-Id sans leur dire qu'il l'a directement réfutée avec force? Cela est un manque de fidélité à la science et une trahison envers les auditeurs. Car en t'écoutant, on a l'impression que Shawkani appuie l'avis d'Ibn Daqiq al-Id, alors que c'est tout à fait le contraire. Le troisième point, c'est lorsque Sofiane nous dit qu'il ne fait pas de fatwa de lui-même. Dans sa réponse, Sofiane nous dit qu'il ne fait pas de fatwa, mais qu'il se contente de rapporter soit la parole de la majorité des savants, Jumhur al-Ulama, soit l'avis de l'école Hanbalit, car c'est celui qu'il dit avoir étudié. Il dit avoir étudié le madhhab Hanbali. Ou soit il dit qu'il nous rapporte l'avis d'un muhakkik, qu'il a traduit par réformateur, alors qu'il serait plus exact de le traduire par analyste, un savant analyste. Car le muhakkik est un savant expert dans l'analyse des différents avis sur des questions religieuses, de sorte qu'il compare tous les arguments avec précision et excellence jusqu'à déceler l'avis le plus conforme au texte du Coran et de la Sunna selon son ijtihad. Donc, Sofiane, il nous dit donc que lorsqu'il est questionné, il rapporte une de ces trois choses. Soit la parole de la majorité des savants, soit l'avis de l'école Hanbalite qu'il prétend avoir étudié, ou soit l'avis d'un savant muhakkik, analyste. La ilaha illallah. Dans ces paroles, il y a plusieurs points à soulever. Premièrement, concernant la parole de la majorité des savants, il faut savoir que l'avis de la majorité n'est pas forcément l'avis prépondérant ou l'avis correct et conforme aux preuves du Coran et de la Sunna. Oui, si celui qui est questionné ne maîtrise pas le sujet qui lui est exposé, mais qu'il connaît l'avis de la majorité et que la situation exige une réponse immédiate qui ne peut attendre, alors dans ce cas-là, certains savants disent que tu peux rapporter l'avis de la majorité. Mais le problème, Sofiane, c'est que toi, dans certaines de tes réponses, tu donnes des avis dans lesquels aucun savant ne t'a précédé. Comme dans la fatwa de Tayammum que tu as faite aux sœurs. La fatwa de Tayammum que tu as faite aux sœurs lors d'une conférence au CEP. Et j'en parlerai plus en détail d'ici peu, Inch'Allah. Donc, l'avis de la majorité des savants n'est pas forcément l'avis correct. Deuxièmement, l'avis de l'école Hanbalite. Je dis également que ce n'est pas forcément l'avis correct et conforme au texte révélé. Et de plus, tu dis que c'est soi-disant le madhhab que tu as étudié. Donc moi j'aimerais bien que tu nous dises quel livre, au pluriel bien sûr, quel livre tu as étudié dans le madhhab Hanbalite. Où les as-tu étudiés? Pendant combien de temps? Et avec quel shir? Parce que prétendre avoir étudié un madhhab, ce n'est pas juste avoir lu un ou deux livres de ce madhhab. Comme quelqu'un qui viendrait et qui dirait: j'ai étudié le madhhab Hanbalite, Puis quand tu lui demandes qu'est-ce que tu as étudié et avec qui, il te répond j'ai lu l'explication du livre Zad al-Mustaqna de Cheikh al-Uthaymin. Masha'Allah. Ça, ce n'est pas avoir étudié le madhhab, mais c'est juste avoir lu un livre résumé, un petit livre dans le madhhab Hanbalit. Et celui qui le lit tout seul, sans revenir à un savant pour vérifier sa compréhension, tombera dans beaucoup d'erreurs. Il pensera connaître, alors qu'en réalité, il est ignorant. Ya akhi, celui qui a étudié un madhhab, c'est celui qui a étudié avec des savants spécialistes de ce madhhab plusieurs livres de référence. Il a étudié avec eux, Afwan. Il a étudié avec eux des livres sur les fondements du fiqh, selon ce madhhab, ou sous le fiqh. Et il a étudié avec eux des livres dans le fiqh à proprement dit, selon ce madhhab. Et tout cela demande des années d'études auprès des savants. Tout cela demande des années d'études auprès des savants pour finir par maîtriser ce madhhab. Donc arrête de faire croire aux gens que tu as étudié le madhhab Hanbalit. Dis que tu as lu quelques livres dans ce madhhab. Mais s'il te plaît, ne dis pas que tu l'as étudié. Troisièmement, tu nous dis que ok, ou sinon tu rapportes l'avis d'un muhakkik. Et il n'y a pas de doute que ceci est une bonne chose pour celui qui n'a pas la capacité de faire un ijtihad de lui-même. Cependant, plusieurs questions interviennent ici. La première, es-tu sûr d'avoir bien compris la parole de ce muhakkik? La deuxième, es-tu sûr que sa parole s'applique au cas particulier sur lequel tu es questionné? Et la troisième, comment fais-tu lorsqu'il y a une divergence entre plusieurs muhakkikin sur la question? Comment tu fais? Comment tu fais lorsqu'il y a plusieurs savants analystes, plusieurs muhakkikin qui sont en divergence sur la question? Ce sont des questions très importantes. Ces trois questions sont des questions très importantes. Car il se peut que tu aies mal compris la parole du muhakkik. Ou il se peut également que la parole de ce muhakkik ne corresponde pas à la situation qui t'est exposée à cause d'indices et de précisions qui entourent la question et qui font qu'elle ne rentre pas dans ce que le savant a dit. Aussi, dans le cas où plusieurs muhakkikin ont des avis différents, tu vas devoir faire ce qu'on appelle un tarjih entre les avis. C'est-à-dire que tu vas devoir trancher. Et pour pouvoir trancher, il faut avoir étudié la science du tarjih, notamment dans Usul al-Fiqh et notamment dans Usul al-Fiqh et dans Usul al-Hadith. De même qu'il faut avoir étudié la question en détail dans les livres de fiqh. Donc après tout ça, tu vois bien que ce n'est pas aussi simple de rapporter l'avis d'un savant ou de plusieurs savants quand on te pose une question. Et c'est pour cela que les savants qui autorisent à celui qui ne peut pas faire d'ijtihad de rapporter les fatwas des ulama ont émis comme condition à cela qu'il soit ahlan lin-nazar. C'est-à-dire qu'il soit apte à comprendre le sujet en question, de sorte qu'il a des connaissances de base dans les sciences religieuses en relation avec la question. Reviens une fois de plus à Irshad al-Fuhul de Shawkani par exemple, ou également Sharh al-Kawkab al-Munir d'Ibn Najjar et autres livres d'Usul al-Fiqh pour bien comprendre ce que je viens de te dire. Que les ulamas mettent comme condition à celui qui rapporte les fatwas des ulamas sur des cas particuliers qu'il soit ahlan lin-nazar, qu'il soit apte à analyser, à étudier la question. Qu'il soit apte à étudier la question et qu'il la comprenne correctement. Et parmi les livres de référence également qu'il y a sur la question de la fatwa, il y a le livre Sifatul Fatwa wal Mufti wal Mustafti d'Ahmed ibn Hamdan al-Hanbali rahimahullah, qui était un savant reconnu à l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc je te conseille de retourner à ce livre pour plus de détails. Et je conseille à tout le monde de retourner à ce livre pour plus de détails. Quatrièmement, toujours donc concernant la fatwa, quatrièmement, tout ce que je viens de citer, c'est dans le cas où tu ne ferais que rapporter les paroles des savants, comme tu le prétends. Mais que dire en sachant que tu fais bel et bien des fatwas de toi-même et qu'en plus, tu te trompes dans tes fatwas et tu fais des fatwas graves, comme la fatwa du Tayammum aux sœurs pendant une conférence au CEP, au centre du Palmier. Lorsque des sœurs t'ont demandé de dire aux frères qui étaient dans le couloir menant aux toilettes de se pousser pour qu'elles puissent aller accomplir les ablutions. Et là, tu as dit aux sœurs de faire le tayammum. Ajib. Elles sont dans la ville. Il y a de l'eau disponible partout. Et tu leur dis de faire le tayammum? Subhanallah. Ne sais-tu pas que parmi les conditions du tayammum, il y a l'absence d'eau? Et également, il y a le fait de la rechercher, d'aller chercher de l'eau, d'aller voir si on trouve de l'eau. Donc, même s'il n'y avait pas d'eau dans le centre, même s'il n'y aurait pas eu d'eau dans le centre, les sœurs auraient dû aller chercher un endroit où il y a de l'eau, quitte même à en acheter, comme l'ont expliqué les fuqaha, les savants du fiqh. Le seul cas où il est permis de faire le tayammum avec la présence de l'eau, c'est dans le cas où on est incapable de l'utiliser, où on ne peut pas l'utiliser. Le seul cas où il est permis de faire le tayammum alors que l'eau est présente, c'est dans le cas où on ne peut pas l'utiliser, comme par exemple celui qui ne peut pas utiliser l'eau à cause d'une maladie, ou celui qui ne peut pas atteindre l'eau à cause d'un obstacle infranchissable entre lui et l'eau, tel qu'un animal féroce. Donc je ne sais pas si pour toi les frères présents étaient comparables à des animaux féroces qui empêchaient les sœurs d'utiliser l'eau. Et Ahri, il suffisait tout simplement de leur demander de laisser le passage libre aux sœurs un instant pour qu'elles puissent aller faire leurs ablutions. Et c'était réglé bi'idhnillah. Maintenant, que vas-tu dire à ces sœurs à qui tu as fait la fatwa de prier avec le tayammum alors que les conditions du tayammum n'étaient pas réunies? Te rends-tu compte que la prière de toutes ces sœurs ce jour-là n'est pas valable et qu'elles doivent toutes la refaire? Comment tu vas leur faire parvenir maintenant ce message qu'elles doivent refaire cette prière de ce jour-là? Mais ce qui m'a le plus étonné de ta part, Sofiane, c'est que tu n'as pas été honnête lorsque Cheikh Wasiullah Hafizahullah t'a parlé de cette fatwa. Quand tu l'as appelé pour qu'il te défende et qu'il démente avoir mis en garde contre tes cours, pourquoi tu n'as dit aux frères et aux gens que ceux qui jouaient en ta faveur? Et pourquoi tu n'as pas cité que le shir t'avait reproché de faire ce genre de fatwa? Hein? Tu as dû être surpris que le shir te parle de cela. Tu as essayé de cacher cela aux gens. Mais carrément, tu as menti en prétendant que le son de l'audio n'était pas bon et que donc vous alliez rappeler le shir pour réenregistrer sa réponse. Chose d'ailleurs que vous n'avez jamais faite. En réalité, le son de l'audio est bon et les paroles du shir de manière générale sont compréhensibles. Donc pourquoi, Sofiane, tu dis à la fin de ta réponse que Annie... Oui, on va rappeler le shir, etc. parce que le son de l'audio n'est pas bon. Non, Akhi. Yani, tu as voulu cacher cela. Pourquoi? Parce que dans cet audio, le shir te fait le reproche de faire des fatwas de toi-même. Des fatwas erronées. Et qui contredisent ce qu'ont établi les ulama. Le shir, la seule chose qu'il t'a autorisé, il t'a dit de répondre aux questions des gens Non, les questions simples concernant la prière, etc. Concernant la prière, etc. Il t'a bien mis en garde, il t'a bien mis en garde de faire des assises de fatwa. Donc, Harry, je ne sais pas quoi te dire après cela. Voilà la parole du shir que tu as toi-même entendu puisque c'est toi-même qui l'as appelé. Donc après cela, moi je ne peux plus rien pour toi. Ensuite, cinquièmement, toujours concernant donc le fait que tu ne ferais pas de fatwa, Sofiane, il dit dans sa réponse que quand on lui pose des questions immenses, il renvoie le questionneur vers les savants. Très bien. Alors que fait-on de ces témoignages de frères qui disent que tu leur as fait des fatwas de divorce ou que tu as fait des fatwas de divorce et souvent sans écouter les deux parties, comme cette affaire que m'a rapporté le frère Abdelkarim de Montreuil il y a environ 1 an et demi. Le frère Abdelkarim m'a dit qu'un frère est venu le voir pour se plaindre et il lui a raconté une histoire qui s'est passée avec toi. Il m'a dit que Abdelkarim m'a dit, un frère a eu un conflit avec sa femme et il semblerait qu'il ait prononcé un divorce. Et donc, la femme de ce frère t'a appelé. La femme de ce frère t'a appelé pour t'expliquer ce qui s'était passé et elle t'a dit que c'était le troisième divorce. Alors directement, naam, sans écouter la version du mari, tu as dit à cette sœur qu'elle était divorcée définitivement et qu'elle devait sortir immédiatement du domicile conjugal. Et voilà que la sœur prend ses affaires et sort de chez son mari. Le frère concerné, consterné par cette situation ou par la situation, il est venu voir Abdelkarim de Montreuil pour lui demander est-ce que c'était normal que des frères de la da'wa fasse des fatwas dans le divorce et surtout sans écouter les deux parties. Puis il a raconté ce que je viens de citer. Yani, il n'y a pas de doute que si c'était réellement un troisième divorce, si c'était si c'était réellement le troisième divorce et qu'il était valable conformément aux règles de conformément aux règles de la charia et qu'il a eu lieu dans un mariage valide, il n'y a pas de doute que dans ce cas-là, les deux époux doivent se séparer définitivement. C'est une question qui est connue dans le fiqh. Mais le problème, Sofiane, c'est qu'ici, tu t'es empressé de poser le jugement sans vérifier plusieurs choses. D'une, de vérifier la validité de leur mariage, à savoir est-ce que toutes les conditions de validité du mariage ont bien été respectées lorsqu'ils se sont mariés. Et la deuxième des choses, il fallait que tu vérifies la validité du premier et du deuxième divorce, puis également du troisième divorce, en vérifiant que les conditions de validité du divorce aient été respectées. Il y a beaucoup de possibilités. Il se peut que le frère ait prononcé un des divorces dans un état de colère extrême, au point qu'il n'était plus conscient de ce qu'il disait. Il se peut également que la sœur ait menti, ou qu'elle ait caché certaines réalités qui influent sur le jugement. Et beaucoup d'autres choses qu'on ne peut déceler qu'après avoir étudié le cas en détail et en faisant plusieurs assises avec les conjoints et leur entourage. C'est pourquoi, en Arabie Saoudite, lorsque les savants sont interrogés sur des questions de divorce, ils renvoient celui qui les a questionnés, ils renvoient le questionneur vers le tribunal, car ils savent que ces questions contiennent beaucoup de paramètres qui doivent être étudiés sous tous les angles, afin d'arriver au jugement conforme à la charia, bi-idhnillah. Et ils savent très bien qu'on ne peut pas s'exprimer dessus en n'ayant écouté qu'une des parties. Bref, on va dire que tu as eu raison sur cette fatwa et que cette femme était vraiment divorcée définitivement. En tout cas, ceci est une preuve que tu fais bien des fatwas de toi-même et pas dans des petites questions, mais dans des questions de divorce. Et il y a également ce témoignage d'un frère que le frère Faisal Abou Faouzan connaît personnellement. Écoutez bien, car c'est étonnant. Donc ce frère, il dit, il date donc cet écrit, ce témoignage écrit, il le date donc du jeudi 25 avril 2013 à Meulan. C'est une ville dans le 78. Donc le frère, il dit, après avoir eu de graves problèmes de couple avec mon épouse, j'ai été amené d'appeler, de par sa réputation, Sofiane Abou Ayoub, pour qu'il puisse m'orienter en s'appuyant sur le Coran, la Sunna, la compréhension des savants et avec sagesse, afin de pouvoir repartir sur de bonnes bases en compagnie de mon épouse. En mentionnant que j'avais un enfant avec celle-ci, et lui faisant part des fautes assez importantes que ma femme avait commises, il m'a instantanément conseillé de divorcer. Donc après, il nous met la parole de Sofiane, il dit, Sofiane, mais qu'est-ce que t'attends ? Le frère, il dit, j'étais choqué par ses propos et ses conseils, alors que je ne lui avais cité que quelques gros exemples, phrases et actes de mon épouse, et qu'il n'avait pris en considération et ne s'était appuyé exclusivement que sur ma version pour émettre une fatwa et non celui de mon épouse. Ensuite, donc, il cite le dialogue qu'il a eu. Il dit, mais j'ai un enfant avec elle, Akhi, Sofiane. Tu vas attendre d'en avoir deux, trois, quatre et être bloqué ? Toi aussi, tu as le droit d'être heureux et de ne pas être triste. Et puis, avec le visage que tu as, les sœurs, les femmes, doivent attendre devant le pas de ta porte. Et puis, on pourra faire quelque chose pour te trouver une sœur. Moi, donc le frère, mais je ne veux pas divorcer parce que je sais que c'est mieux de patienter pour Allah. Et je sais qu'il peut lui donner un bon comportement. Je ne perds pas espoir. Et j'ai peur de commettre la fornication parce que même si je ne suis pas bien avec ça, même si je ne suis pas bien avec, ni avec elle, ça me permet de ne pas commettre ce péché. Et d'autant plus que si je divorce, ça réjouit Shaitan et qu'il offre pour une nuit sa place sur son trône. Qu'Allah le maudisse. Ensuite, le frère, il dit, me faisant entendre que ma compréhension concernant ce hadith assujetti à mon cas était erronée, il me dit qu'un autre stipulait qu'Allah n'exauçait pas l'invocation de celui qui restait avec une femme désobéissante. J'étais outré par ses propos et conseils, et il rajouta, Sofiane rajouta, si tu savais le nombre de personnes qui m'appellent concernant leurs problèmes de couple. Ensuite, le frère, il dit, le lendemain, ma femme l'appela pour ses problèmes envers ma propre personne et me téléphona suite à son entretien avec Sofiane en me disant qu'elle mettait un terme à notre couple et qu'elle me rendait sa dot, que je n'avais rien à dire et que j'étais obligé d'accepter et n'avais aucun avis à émettre sous les dires de Sofiane. L'appelant aussitôt, c'est-à-dire que le frère a appelé Sofiane, l'appelant aussitôt, je lui fis se rappeler de notre antécédente conversation où il m'avait préconisé de divorcer. Que ma femme de son côté venait tout juste de l'appeler et qu'à elle aussi, il venait de lui conseiller de divorcer sans avoir eu ma version. Ensuite, là, le frère, il met le dialogue. Akhi, tu peux pas te permettre de dire de divorcer de cette manière. C'est un qadi de faire ça. Sofiane, appelle-le si tu veux, mais tu verras, il te dira exactement ce que je viens de te dire. Moi, comment tu peux dire ça? T'es pas un savant, toi. C'est un juge qui peut dire au couple de divorcer. Sofiane, appelle-le et tu verras ce qu'il te dira. Le frère, ouais, mais ça, fallait le dire à moi et à ma femme. Puis, donc, le frère, il conclut donc l'écriture de ce témoignage et il dit, cette conversation date approximativement de 3 ans. Des phrases ont pu être mal formulées, mais ceci ne change rien au fait qu'il m'a vigoureusement recommandé de me séparer de mon épouse qui au final s'avère avoir été ensorcelée par sa famille tout comme moi et dès à présent guérie par la grâce et la miséricorde d'Allah le Très-Haut et la louange entière revient à notre Seigneur. Donc c'est comme ça que le frère termine son témoignage. Après, il y a aussi ta fatwa à une sœur qu'elle pouvait enlever le hijab pour travailler parce qu'elle n'était pas mariée qu'elle vivait seule et qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et ça, le frère Othman Abou Layth connaît tous les détails, de cette histoire. Donc, celui qui veut plus de renseignements, qu'il se renseigne auprès du frère Othman. Hein? Donc ici, dans cette fatwa, à cette sœur, qu'elle pouvait enlever le hijab pour travailler en raison de sa situation difficile. Ici, tu as rapporté la parole d'un savant ou bien c'est ta propre fatwa? Hein? Certes, peut-être qu'un savant aurait fait cette fatwa et aurait autorisé à la sœur d'enlever son hijab vu sa situation. Mais toi, Sofiane Abou Ayoub, tu n'avais en aucun cas à faire cette fatwa. Et tu as fait beaucoup d'autres fatwas catastrophiques, comme également sur la question des viandes en France. La question des viandes en France. Sujet que toi et Bouzé d'ailleurs n'avaient pas compris. Et ta fatwa qu'on peut faire l'oudou avec de l'orangina. Ajib, c'est étonnant. Et ça nous montre cette fatwa ou cet avis que l'on peut faire l'oudou avec de l'orangina. Tout comme ta fatwa aux sœurs de faire le tayammum. Tout ça, ça nous montre clairement ton niveau de science. Et que tu ne maîtrises pas. Et que tu ne maîtrises pas des questions qui font partie des questions de base. Et les premières questions qui sont étudiées dans le fiqh. Donc, après tout ça, il apparaît clairement que tu mens, Sofiane, lorsque tu dis que tu ne fais pas de fatwa de toi-même. Et pourquoi veux-tu faire croire aux gens que tu connais ta place et que tu ne réponds pas aux questions immenses? Puis lorsque tu dis que tous les frères qui font da'wah répondent aux questions sans retenue, je te réponds que d'une, je ne connais pas de frères salafis de confiance impliqués dans la da'wah qui fassent cela. Si ce n'est dans des questions simples auxquelles toute personne ayant un minimum de connaissances dans la religion peut répondre. Et c'est dans cela que Cheikh Wasiullah t'avait autorisé à répondre. Non pas dans des questions de divorce ou autre chose que tu ne maîtrises pas. Après, oui, bien sûr. Si tu parles de prédicateurs tels que Rachid Abu Hudhaifa ou bien tes camarades, là oui, j'accepte que ces gens-là répondent à toutes les questions sans retenue. Mais ils ne sont pas du tout un exemple à suivre, n'est-ce pas? Hein? J'aimerais que tu nous dises, est-ce que Rachid Abu Hudhaifa est quelqu'un que l'on peut suivre et écouter sans problème? Et deuxièmement, par rapport à ça, je te dis, en supposant que ce que tu dis est vrai, et que tous les prédicateurs salafis font des fatwas sans retenue, cela ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Et s'il me parvient que certains parmi eux le font dans des questions au-dessus d'eux, je leur reprocherai comme je te l'ai reproché. Donc ça, c'est concernant la première partie de la mise en garde. Et il est maintenant évident pour tout le monde que Sofiane fait bel et bien des fatwas sans science et des fatwas dans des sujets qui ne sont pas de son ressort, comme les questions de divorce. Et vous avez très bien vu, Yanni, les conséquences désastreuses que ce genre de personnes s'adonnent et se consacrent à la fatwa et fassent des assises dans lesquelles ils répondent aux questions des gens, car malheureusement, ce sont des personnes qui ne connaissent pas leur place. Allahumma musta'an. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Donc le quatrième point, c'est en ce qui concerne la parole, comme quoi il n'est pas permis de critiquer pour deux choses lorsqu'une seule suffit. Dans la suite de sa réponse, Sofiane a cité une parole de Sakhawi qui dit qu'il n'est pas permis de critiquer pour deux choses lorsqu'une seule chose suffit. Sofiane la cite, cette parole de Sakhawi, car selon lui, c'est une règle chez les savants du Jarh wa Ta'dil. Et en la citant, il veut persuader l'auditeur que j'ai contredit les savants du Jarh wa Ta'dil lorsque j'ai rajouté le fait qu'il critiquait des savants salafis en plus du fait qu'il fasse des fatwas sans science. Eh bien, pour répondre à cela, je vais tout d'abord vous rapporter la parole de Cheikh Wasiullah, qui a réfuté cette règle dans sa réplique à Bachir ibn Hassan al-Tunisi. Parce que cette parole, qui c'est qui s'en est servi également? Bachir ibn Hassan al-Tunisi. Et donc, dans la réplique de Cheikh Wasiullah à Bachir al-Tunisi, le frère qui questionne le Cheikh, il cite la parole de Bachir ibn Hassan. Lorsque Bachir ibn Hassan dit, l'imam al-Sakhawi, qui est un élève d'Ibn Hajar al-Asqalani, a dit que s'il y a plusieurs choses par lesquelles on peut critiquer le rapporteur, on ne doit citer qu'une seule chose. Pourquoi? Parce que la base est de préserver l'honneur du croyant. S'il en est ainsi dans la science du jarh wa ta'dil, la critique et l'éloge, donc que dire de ce qui est appelé aujourd'hui al-jarh wa ta'dil? En fait, ce n'est pas al-jarh wa ta'dil, mais c'est al-jarh wa tajrih, c'est-à-dire la critique et la diffamation. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est une attaque envers les symboles de la communauté qui ont excellé dans les domaines de la science et de la prédication. Tu trouves un homme qui travaille dans le champ de la da'wa depuis plus de 20 ans, et grâce à qui des gens de tous les coins du monde ont été guidés. Mais comment cela apparaît? Il veut monter sur les épaules des hommes, il se met dans un coin ou derrière internet, et il rapporte, il a dit telle chose dans telle cassette et dans tel livre. Tout ça en application de la parole, oppose-toi et tu seras connu. Ainsi, il se construit une distinction sur le compte de ses maîtres. Donc ça, tout ça, c'était la parole de Bachir. Donc le frère qui pose la question à Cheikh Wasiullah, il lui cite donc toute cette parole-là, en arabe, bien sûr. Puis le Cheikh, il commente les paroles de Bachir, en disant, celui-là qui dit, il se construit une gloire sur le compte de ses maîtres, il apparaît de la parole de cette personne, en réalité, comme s'il avait en lui de la haine pour Cheikh Rabi'. Ici, je précise là que Cheikh Wasiullah, il dit cela, car dans les questions précédentes, le frère lui avait cité les paroles graves et les mensonges que Bachir a prononcées sur Cheikh Rabi' et sur les salafis qu'il appelle matralistes. Donc Cheikh Wasiullah, du fait donc de l'ensemble de toutes ces choses-là, il dit cette parole-là. Pour répondre à ce passage de Bachir, Cheikh Wasiullah, il dit, celui qui dit, il se construit une gloire sur le compte de ses maîtres, il apparaît de la parole de cette personne, en réalité, comme s'il avait en lui de la haine pour Cheikh Rabi'. Nous disons toujours que, parmi les obligations du savant qui craint Allah, le fait de démontrer les erreurs des gens, il n'y a aucun doute là-dessus. Tout ça, c'est la parole de Cheikh Wasiullah. Donc, je vous la lis, avec ma traduction. Donc, le Cheikh, il dit, nous disons toujours que parmi les obligations du savant qui craint Allah, le fait de démontrer les erreurs des gens, et il n'y a aucun doute là-dessus. Par la grâce d'Allah, le loué, le glorieux, il, en parlant de Cheikh Rabi', il a une distinction, walhamdulillah. Allah l'a honoré par la science de la sunna, et le jarh wa ta'dil doit rester jusqu'au jour de la résurrection pour protéger la religion et la croyance de toute altération. Quant à la parole de Sakhawi, qu'il a pris comme argument, en réalité, toi aussi, c'est comme si tu avais considéré l'imam al-Sakhawi infaillible. Les savants l'ont contredit dans cela. Aujourd'hui, nous trouvons un isned, une chaîne de transmission, qui contient un rapporteur faible, qui contient du tadlis et du irsel. Alors les savants citent tous ses défauts et disent « Cette chaîne de transmission est faible car elle contient 3 ou 4 défauts. » Donc la parole de Sakha, oui, en réalité, dans la pratique, ce n'est pas l'avis des savants. Ce n'est pas l'avis des savants. Maintenant, si nous regardons dans la biographie de n'importe quel rapporteur critiqué, on voit qu'Al-Zahabi et d'autres peuvent dire dans plusieurs passages « C'était un chiite qadarit, tous les problèmes étaient en lui. » Donc, il ne se limite pas à un seul défaut. Et ceci est l'obligation du musulman envers l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il y a dans cela l'atteinte à l'honneur d'une personne de la communauté. L'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui attribuer une chose mensongère ou faible, c'est pour préserver ces aspects de la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les savants parlent sur les gens et sur leur honneur en fonction de ce qu'ils méritent. En revanche, si la personne exagère et dépasse les limites dans ses paroles, alors il est possible de dire ce genre de choses. Mais tant qu'il dit la vérité, il n'est pas permis de reprocher cette chose du jarh wa ta'dil. Fin de citation, c'est ici que se termine la parole de Cheikh Wasiullah en réponse à cette parole de Sakhawi que Bachir ibn Hassan dont Béchir ibn Hassan se sert. Et d'ailleurs, l'audio est à notre disposition et nous le mettrons en ligne, bi'idhnillah, pour ceux qui comprennent l'arabe. Donc, Cheikh Wasiyullah a bien expliqué que les savants de la critique et de l'éloge ont contredit As-Sakhawi dans cette règle. Cheikh Wasiyullah, il a bien expliqué que les savants de la critique et de l'éloge, du Jarh wa Ta'dil, ils ont contredit As-Sakhawi dans cette règle. Et en effet, celui qui revient à ce qu'on appelle Kutub al-Rijal, les livres sur les hommes dans les hadiths, celui qui revient au livre sur les hommes, Kutub al-Rijal, il verra que les imams du Jarh wa Ta'dil citent des fois plusieurs choses dans leur critique sur un rapporteur. Taïb. Ensuite, remarquez ici la ressemblance entre la parole de Sofiane, Abu Ayyub, et celle de Bashir ibn Hassan, At-Tunsi. C'est à se demander si Sofiane n'a pas pris cela directement de Bashir. Et ça ne serait pas étonnant, car Sofiane a été éduqué chez Bashir At-Tunsi. En effet, Sofiane dit de lui-même qu'il assistait au khutba de Bashir. Bref. Ensuite, par rapport à ce point, je dis également à Sofiane, en admettant que la règle de l'imam al-Sakhawi soit correcte, elle ne s'applique pas sur ce que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que l'imam al-Sakhawi, il dit « lorsqu'une seule chose suffit ». Et dans mon cas, la première chose que j'ai citée est en rapport avec ton niveau de connaissance. Quant à la deuxième, elle est en rapport avec ton menhaj. Donc les deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Une concerne la science et l'autre, le menhaj. Quelqu'un peut avoir de la science et ne pas être sur le bon menhaj, comme Al-Qardawi par exemple. N'est-ce pas ? Et de l'autre côté, quelqu'un peut être salafi et ne pas avoir beaucoup de science, comme la plupart des salafis de la masse en France et ailleurs. Et comme vous le savez, celui chez qui on veut étudier doit posséder ces deux choses, une science authentique et un manhaj authentique. Une science authentique qui est la science basée sur le Coran et la Sunna et qui a été acquise auprès des savants de confiance. Et quant au manhaj authentique, c'est le suivi de la voie des salaf salih, des pieux prédécesseurs, dans le dogme et la da'wa. Donc ceci dit, lorsque j'ai parlé de Sofiane en disant qu'il n'était pas habilité à faire des fatwas vu son manque de science, j'ai ensuite voulu montrer qu'il avait aussi des problèmes dans son manhaj, car il dénigre des savants salafis. Ainsi, il est clair que cela ne rentre pas dans ce qu'a dit l'imam al-Sakhawi. Le cinquième point, c'est lorsque Sofiane nous dit, il nous cite la règle de Usul al-Fiqh, il n'est pas permis de retarder l'explication lorsqu'il y en a besoin. Sofiane, il a voulu nous montrer qu'il connaît des règles dans Usul al-Fiqh. C'est-à-dire la science des fondements du fiqh. Et il m'a reproché, Mme Sofiane a voulu nous montrer qu'il connaît des règles dans Usul al-Fiqh, qui est la science des fondements du fiqh, et il m'a reproché d'avoir retardé la diffusion de l'information comme quoi lui et Bouzaïd se sont moqués de Cheikh Rabi en l'appelant Cheikh Kung Fu. Il m'a donc reproché d'avoir retardé la diffusion de cette information plusieurs mois après l'avoir reçue. Et il dit, il y a une règle très importante dans les fondements du fiqh qui dit qu'il n'est pas permis de retarder la mise en évidence à un moment où on en a besoin. Et si, en supposant que cette information est vraie, je suis aussi dangereux pour les musulmans, pourquoi avoir attendu autant pour mettre en garde les musulmans contre moi ? Fin de citation. Fin de la parole de Sofiane. Donc dans ce passage, il y a également beaucoup de choses à dire. Premièrement, quand Sofiane a cité cette règle, il l'a d'abord citée en arabe, en disant « Qa'ida ma'roufa fi ilmi usul al-fiqh, la yajouzu ta'khiru al-bayani fi waqti al-haja » C'est-à-dire, il y a une règle connue dans la science du usul al-fiqh, « La yajouzu ta'khiru al-bayani fi waqti al-haja » Puis il dit ensuite « Man shamma ra'ihata usul al-fiqh, ya'rifu hadhihi al-qa'ida wa ya'rifu ayna yajiduha » C'est-à-dire, il dit Sofiane, celui qui a senti l'odeur de la science du usul al-fiqh, il connaît cette règle et il sait où la trouver. Donc je lui dis à Sofiane, en effet, cette règle est une règle de usul fiqh qui est connue. Mais toi, Sofiane, tu ne la connais pas. Car on n'a jamais vu cette règle dans un livre de usul al-fiqh tel que toi tu l'as cité. La règle telle qu'elle est citée par les savants dans les kutub de usul al-fiqh, c'est la yajuzu ta'khir al-bayan an waqt al-haja. An waqt al-haja. Et non pas fi waqt al-haja comme toi tu as dit. Naam. Au lieu de dire an waqt al-haja, il a dit fi waqt al-haja. Et le pire, c'est que tu essayes de me faire passer pour un ignorant dans cela. En disant, celui qui a senti l'odeur de la science du usul al-fiqh, il connaît cette règle et il sait où la trouver. Ya Akhi, je te rappelle que j'ai étudié en faculté de charia à l'université islamique de Médine. Et que l'enseignement de cette faculté est spécialisé et centré principalement dans les sciences du fiqh et dans les sciences du usul al-fiqh. Donc je connais très bien cette règle. De plus, malheureusement pour toi, j'avais très bien assimilé ce passage de la science du usul. Et quand je t'ai entendu citer cette règle en disant « fi » au lieu de « an », je n'en croyais pas mes oreilles. Surtout avec le petit commentaire que tu as rajouté avec arrogance, qu'Allah te guide. Et wallah, bien que c'était une erreur évidente, j'ai quand même été regardé dans plusieurs livres de usul al-fiqh pour voir si je trouvais quelqu'un qui t'avait précédé dans cela. Mais je n'ai trouvé personne qui l'a cité en disant « fi » au lieu de « an ». Donc en conclusion, par ton propre témoignage, tu n'as pas senti l'odeur de la science du usul al-fiqh, car tu ne connais pas cette règle et tu ne sais pas où la trouver, car elle n'existe nulle part, telle que tu l'as cité toi. Wallahum musta'an. Deuxièmement, comment définit-on que quelqu'un a retardé la mise en évidence au moment où il en avait besoin ? Il faut savoir que cette règle, à la base, elle concerne la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait le droit de retarder la mise en évidence au moment où il en avait besoin? Et donc, les savants ont défini waqtul haja, c'est-à-dire le moment où il en a besoin. Les savants, ils l'ont défini comme étant le moment où l'être responsable a besoin d'une explication pour appliquer un ordre d'Allah. De telle sorte que si l'explication est retardée, il ne pourra pas appliquer cet ordre comme il convient. Donc à la base, cette règle-là, elle concerne la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de retarder la mise en évidence. Et certes, il est vrai que les savants utilisent cette règle pour dire qu'on n'a pas le droit de cacher la vérité au moment où il y a besoin d'éclaircissement, mais je ne pense pas avoir failli à la règle, wallahu a'lam. Troisièmement, toujours concernant ce point-là, au cas où tu ne le saurais pas, ya Sofiane, il y a une deuxième règle de usul al-fiqh qui vient compléter cette première, qui vient compléter la première que tu as citée. Naam. Et la deuxième règle, elle dit quoi ? Elle dit yajuzu ta'khir al-bayan min waqt al-khitab ila waqt al-haja. C'est-à-dire, il est permis de retarder la mise en évidence à partir du moment où l'information nous est parvenue jusqu'au moment où il y en aura besoin. C'est-à-dire que lorsque l'information te parvient, tu as le droit de retarder la mise en évidence jusqu'à ce qu'il y arrive un moment où il va y avoir besoin de citer cette information. Donc je ne sais pas si Sofiane connaît cette règle, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait, bi'idhnillahi ta'ala. Au moment où j'ai reçu cette information, je ne voyais pas l'intérêt de la citer. Naam, je ne voyais pas l'intérêt de la citer. Mais quand on m'a dit que Sofiane faisait des séances de fatwa tous les vendredis, et qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient la queue pour poser leurs questions à Sofiane, alors j'ai estimé que je devais mettre en garde contre lui, parce que je savais qu'il n'était pas apte à faire des fatwas, vu ce que je connaissais de lui comme parole ou fatwa catastrophique. Puis par crainte que les gens pensent que le seul problème de Sofiane est au niveau de son manque de science, J'ai voulu montrer qu'il a également des problèmes dans son manhaj. Vu qu'il a l'habitude de critiquer et de dénigrer certains savants salafis qui ne lui plaisent pas. Et lorsqu'il est repris sur cela, yani sur ses critiques ou sur ses dénigrements envers les savants, lorsqu'il est repris sur cela, au lieu de se repentir, il va soit interpréter ses paroles pour diminuer de leur gravité, ou alors il va carrément nier d'avoir dit quoi que ce soit, tel qu'il l'a fait pour l'histoire de Cheikh Kung Fu, que je vais expliquer d'ici peu, Inch'Allah. En sachant que cette histoire, l'histoire de Cheikh Kung Fu, n'était qu'un des multiples exemples du dénigrement de Sofiane envers des chouyours salafis. Et il y en a beaucoup d'autres. Tels que sa parole, dont ont témoigné quatre frères de Nancy ou plus. Sa parole concernant Cheikh Ahmed Bazmoul. Lorsqu'il a voulu faire passer Cheikh Ahmed Bazmoul pour un simple bibliothécaire qui n'est pas connu des savants. Mais toi, Sofiane, qui es-tu pour dire que Cheikh Ahmed Bazmoul n'est pas connu des savants? Alors qu'il est constamment chez Cheikh Rabi' et qu'il est connu chez d'autres grands savants, comme Cheikh Ahmed Ednejmi, ou Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah, ou Cheikh Mohamed al-Soubaï, l'ancien imam du Masjid al-Haram, rahimahullah. Et si on te posait la question à toi, Sofiane, quel savant salafi te connaît, toi? Quelle serait ta réponse? Cheikh Wasiullah? Malheureusement pour toi, Cheikh Wasiullah connaît maintenant certaines réalités sur votre équipe. Et c'est pour cela qu'il a commencé à revenir sur cette thèse qu'il y a en votre faveur. Comme on peut le constater dans la réplique du Cheikh à l'audio de Hatim sur la salafia. Cette thèse qu'il y a, que vous avez été chercher auprès de lui pour tromper les gens. On sait comment tout cela s'est passé. Mais ce à quoi ses frères ne s'attendaient pas, c'est que le Cheikh cite de lui-même le frère Othman Abu Layth el-Armani, car Cheikh Wasiullah le connaît depuis longtemps, et il a confiance en lui. Et sachez que le frère Othman n'était pas au courant de toute cette mascarade. Mais quand la tazkiya a été propagée et qu'il l'a vue, il a insisté pour que son nom soit retiré de cette tazkiya. Et il ne voulait pas être assimilé à ces gens-là. Mais sa demande n'a pas été écoutée. Donc subhanallah, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait intervenir des gens auxquels personne ne s'attendait pour préserver sa religion de ses joueurs et ses feinteurs qui veulent tromper la communauté en s'infiltrant parmi les salafis pour propager leurs égarements et leurs ambiguïtés au nom de la science islamique alors qu'ils sont à des années-lumière de la science islamique authentique. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé ces gens-là à travers leurs paroles, à travers leurs références, à travers leurs amis et à travers leurs fréquentations. Un autre exemple du dénigrement de Sofiane envers les savants salafis, sa parole sur Cheikh Abdullah al-Bukhari, qui est écrite de sa main dans un mail à un frère qui a voulu le conseiller sur certains points. Et dans ce mail, Sofiane reproche au frère de revenir à Cheikh Abdullah al-Bukhari dans la critique. Et il lui dit que Cheikh Abdullah al-Bukhari n'est pas un savant. Ça, c'est le frère lui-même qui me l'a dit en me montrant les discussions qu'il a eues avec Sofiane. Et c'est un frère que je connais depuis plus de 10 ans. Il a dit, subhanallah, Sofiane, mais qui es-tu pour reprocher à un frère de revenir à Cheikh Abdullah al-Bukhari? Ne sais-tu pas que ça fait 30 ans ou plus que ce Cheikh est dans la science islamique? Où est le problème chez Cheikh Abdullah al-Bukhari pour qu'on reproche à un frère ou qu'on lui dise qu'il ne faut pas retourner vers lui? Aujourd'hui, malheureusement, avec des prédicateurs comme toi et tes amis, les savants salafis connus et reconnus ne sont plus considérés comme des références dans la critique et dans l'éloge. En fait, c'est vous, toi et tes amis, c'est vous qui connaissez les chouyours vers qui il faut revenir et ceux vers qui il ne faut pas revenir. Vous dites aux gens, ne retournez pas à tel shir, écoutez tel shir. Et cela sans prêter attention aux paroles des savants, spécialistes du domaine. Eux qui ont une connaissance large et détaillée des prédicateurs contemporains. Et le pire, c'est que quand on regarde les chouyours auxquels vous vous référez et auxquels vous renvoyez les frères, on trouve qui parmi eux? On trouve des gens comme Abdelaziz al-Tarifi, des gens comme Ahmed al-Hazimi et autres. que vous considérez comme des savants de confiance. Et pour que ça passe, hein, vous citez avec ces gens-là des savants salafis connus. Alors qu'en réalité, ces deux personnes, Abdelaziz al-Tarif et Ahmed al-Hazimi, n'ont rien à voir avec les savants salafis. Car ces deux personnes sont des takfiris connus en Arabie. À un tel point que le premier, Abdelaziz al-Tarifi, a été emprisonné par le gouvernement saoudien pour son takfir. Et s'il est en liberté aujourd'hui, c'est grâce à des personnes qui ont intercédé pour lui. Aussi, ce Tarifi a été un des plus actifs vivificateurs de la fitna en Égypte par ses tweets dans lesquels il appelait au combat en Égypte et dans lesquels il dénigrait les savants qui disaient de ne pas sortir de chez soi. Ne savais-tu pas, Sofiane, que parmi les ulama qui recommandaient de ne pas sortir, il y avait le mufti Abdelaziz Ali Sheikh, Sheikh Al-Fawzan, Sheikh Rabi et beaucoup d'autres. Donc ce Tarifi, directement ou indirectement, il dénigrait tous ses savants, le mufti, Sheikh Al-Fawzan, Sheikh Rabi et d'autres. Et sache que aucun savant salafi ne reconnaît Al-Tarifi comme étant une personne à suivre. Hein? Et les savants sont d'accord sur le fait qu'il faut mettre en garde contre cet homme. Comme j'ai pu le constater dans une assise chez Cheikh Mohamed Ibn Hadi Al-Madkhali, en présence de Cheikh Saleh Al-Suhaymi, de Cheikh Suleyman Al-Ruhayli et d'autres parmi les mashaykhs salafis. Donc comment peux-tu propager les paroles de cet homme et faire ses éloges au Sofiane? Et également, comment peux-tu renvoyer les gens à Ahmed Al-Hazimi, qui est également un takfiri connu chez les mashaykhs? Lorsque tu étais sur Twitter, tu étais abonné au compte de ces gens-là, Al-Tarifi et Al-Hazimi. Et tu as traduit et propagé plusieurs tweets de Abdelaziz Al-Tarifi. Si tu ne connaissais pas le cas de ces gens-là, c'est une catastrophe que tu renvoies vers eux. Et tu n'avais pas à leur faire de pub. Et si tu connaissais leur cas, alors là, c'est encore pire, car ça voudrait dire que tu fais la promotion de gens dangereux qui sont connus pour être des tekfiris, et cela en connaissance de cause. Donc à toi de choisir. Après, il y a aussi les paroles de tes amis, comme celles de Abbas, dont ont témoigné 8 frères de la ville de Denain et alentour. Ces 8 frères ont attesté devant Allah que Abbas a dénigré plusieurs fois des savants salafis, et qu'il a dit que Cheikh Rabir, Cheikh Obeid, Cheikh Mohamed bin Hadi et Cheikh Abdullah al-Bukhari allaient tomber. Et ce Abbas, c'est ton ami dans la da'wah, avec lequel tu fais beaucoup de conférences et de séminaires. Et également, il y a les paroles d'Emir Abu Hafs, directeur du CEP, qui a dit des paroles incroyables à un frère qui s'appelle Amin, ancien juif converti, qui est de Montreuil à la base et qui a habité à Aubervilliers, Nam, où il était d'ailleurs voisin d'Emir, et qui vit maintenant à Villiers-sur-Marne. Emir pensait avoir affaire à un frère lambda, qui ne connaissait rien, et qui allait le suivre dans son délire. Donc il s'est lâché devant lui plusieurs fois. Et le frère Amin a écrit un témoignage dans lequel il dit « En 2009, le jour du décès de la femme du frère Saleh al-Din d'Aubervilliers, nous étions venus faire les condoléances à ce frère. » Mais il n'était pas chez lui, donc nous étions dans son salon en attendant son arrivée. Il y avait moi, un frère du nom de Issa, un frère qui s'appelle Mohamed, un autre qui s'appelle Farid de Nantes, et Mohsin, un frère tunisien qui habitait à Aubervilliers à l'époque. Ensuite, Emir est arrivé dans l'appartement. Et après environ une demi-heure de discussion, il s'est lâché et il a commencé à dévoiler son manhaj. Le frère, il dit, je jure par Allah qu'il a dit les paroles suivantes. Il a dit que Cheikh Rabir n'est pas un grand savant. Que nous, les frères de France, on exagère sur lui. Qu'en Arabie, il est inconnu. Et pour preuve, il n'a pas de chaise au haram de Mecca et ni à celui de Médine. Et il a ajouté que si Cheikh Rabir venait à Médine, les étudiants lui jetteraient leurs claquettes sur la tête. Ensuite, le frère continue et il dit dans son témoignage. Un autre jour, j'étais avec lui devant le masjid d'Aubervilliers, avec Émir. Un autre jour, j'étais avec lui devant le masjid d'Aubervilliers, celui à côté du commissariat. Je lui ai parlé de Bachir sans dire Shir, Il m'a immédiatement repris en me disant « Dishir » quand tu parles de Bachir. Je lui ai dit « Es-tu au courant que Cheikh al-Bukhari a mis en garde contre lui ?» Et il m'a dit « Exactement, c'est le monde à l'envers. Un étudiant comme al-Bukhari qui parle sur Cheikh Bachir, moi je te recommande d'aller à ses cours. » Et un autre jour également, le frère il dit « J'étais seul avec lui dans ma voiture. À l'époque, une Scénic bleue. Je l'accompagnais à Carrefour et il m'a dit que Youssouf al-Qardaoui allait peut-être devenir le Abu Hanifa de notre époque. Et il s'étonnait pourquoi quand Cheikh al-Rasaymin dit une chose, on prend, et quand c'est al-Qardaoui qui dit exactement la même chose, on ne prend pas. » Puis le frère Amin termine son témoignage en disant « Je jure par Allah qu'il a dit tout cela. » Ça, c'est tout ça, ce sont les paroles d'Émir, hein, le directeur du palmier, du CEP, là où tu es superviseur. Naam. Donc ce émir, il dit que Cheikh Rabia n'est pas un grand savant, que nous on exagère sur lui, qu'en Arabie il est inconnu, que si jamais naam, il venait à Médine, que si Cheikh Rabia venait à Médine, les gens, les étudiants lui jetteraient leur claquette à la tête. Et il fait les éloges de Bachir ibn Hassan en disant que tu dois dire Cheikh Bachir, et que de l'autre côté Abdullah al-Bukhari est un simple étudiant. Donc comment un étudiant naam, parle sur Cheikh Bachir? Juste je rappelle naam, à Émir, parce que je pense qu'il va écouter cet audio lui aussi. Je rappelle à Émir que lorsqu'il était à Médine, avec toutes ses ambiguïtés, et que le frère Abdurrahman Kolo de Sète, hein, a pris du temps avec lui pour essayer de lui enlever ses ambiguïtés avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il lui a proposé d'aller voir un cheikh de son choix, Émir a tout de suite accepté, et de lui-même il a demandé à aller voir Cheikh Abdullah al-Bukhari, et il est tout de suite revenu avant même la djelsa avec Cheikh Abdullah al-Bukhari. Il a dit qu'il se repentait de ses paroles. Puis après il assistait au cours de Cheikh Abdullah al-Bukhari, et il allait embrasser la tête de Cheikh Abdullah al-Bukhari. Quand je dis il allait assister au cours, yani il a assisté à quelques cours, yani par-ci par-là. Mais ceci a été de courte durée, car rapidement, on n'a plus vu la tête d'Émir dans les cours de Cheikh Abdullah. Donc, yani à cette époque, Émir, de ce qu'il montrait aux gens, il avait de l'estime pour Cheikh Abdullah al-Bukhari. Et il lui disait « Uhibbuka fillah » et il l'embrassait sur la tête, etc. Puis après il vient et il nous dit que quoi, que c'est le monde à l'envers, que Abdullah al-Bukhari n'est qu'un étudiant et qu'il n'a pas à parler sur Cheikh Bachir, et que ça c'est le monde à l'envers. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Al-Muhim, et les éloges donc de Émir là, comme vous avez pu entendre dans le témoignage sur Al-Qardaoui, qu'il compare à Abu Hanifa et qu'il compare à Cheikh Al-Rasaymin. La hawla wa la quwwata illa billah. Et je ne parle même pas des paroles d'un inconnu s'appelant Abdel Hay, qui a dénigré et critiqué plusieurs fois Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, avec audace, mais avec arrogance et ignorance. Et ce Abdel Hay, pareil, Sofiane, tu vas avec lui dans des séminaires, c'est ton ami, etc. Et il y a aussi les paroles très graves, qui a dépassé tout le monde, qui s'appelle Nadon93 sur Twitter. Hein? Cette personne-là, c'était l'ami de Sofiane sur Twitter. Ils se suivaient l'un l'autre. Et ils discutaient pratiquement tous les jours, ensemble. Donc, ce Nadon, hein, ton ami Sofiane, n'a eu aucun respect pour la religion, et ni pour les savants salafis. Quand, par exemple, il dit, la base du musulman, c'est qu'il est hizbi, jusqu'à ce qu'il se tatoue Rabir sur le corps. Alors là, il a prouvé sa salafia. Et il a droit au salam. Hein, quand il dit ça pour se moquer des salafis. Na'oudhu billah. Il dit la base du muslim, c'est qu'il est hizbi jusqu'à ce qu'il se tatoue Rabir sur le corps. Billah alaykoum. Est-ce qu'il y a un salafi qui fait ça ou qui dit ça? Quel mensonge! Et encore pire que ça, lorsqu'il dit... Si tu fais le Hajj sans visiter Cheikh Rabi', t'as plus qu'à recommencer. T'as oublié le rite le plus important. Et il a dit plein de paroles comme ça, plein de paroles de ce type-là. Hein? Une multitude de paroles de ce genre, qu'il tweetait tous les jours. Des paroles dans lesquelles il dénigrait les frères et les savants salafis, et dans lesquelles il se moquait de certaines adorations de la religion, telles que les rites du pèlerinage. Et également, il se moquait de l'amour des savants, et il se moquait de la visite des gens de science. Billah alaykoum, si ça c'est le hal, si ça c'est le cas, n'am, de personnes qui sont proches de ces gens-là, comment se fait-il qu'il n'y a pas d'amélioration chez eux? Si ces gens-là sont proches de Sofiane et consorts, ou qu'ils discutent avec lui, comment se fait-il que leur cas ne s'améliore pas jour après jour, mais il ne fait qu'empirer? Moi je te demande, Sofiane, quelle est ta position vis-à-vis de toutes ces paroles proférées par tes amis et tes compagnons dans la da'wa? Vas-tu continuer à les côtoyer? On aimerait bien voir ou entendre ta position vis-à-vis de tout cela. Et ne nous sors pas l'excuse que tu les as conseillés en privé, car la gravité de leurs paroles et le fait qu'elles aient été répétées plusieurs fois et en public, tout ça, ça implique de ta part une réfutation publique de leurs propos, ainsi qu'un désaveu apparent envers eux. Surtout que tu t'associes à ces gens-là dans la da'wa. Donc nous attendons de toi une position claire sur cela. Car ça commence à faire beaucoup de personnes de ton entourage et de ton entourage proche qui ont des paroles graves sur les savants salafis reconnus. Et on ne t'a jamais entendu les blâmer, au contraire. Et si j'ai cité toutes ces paroles, que ce soit celle de Sofiane, sur Cheikh Ahmed Bazmoul ou sur Cheikh Abdullah Al-Bukhari, ou que ce soit celle de ses camarades, c'est pour montrer que c'est une habitude chez ces gens-là de dénigrer les chouïrs salafis qui ne leur plaisent pas. Et que c'est une habitude chez eux également de mentir en niant les faits. Donc qu'ils arrêtent de faire croire aux gens de la masse qu'ils sont véridiques et qu'ils suivent les savants salafis. Ensuite, le sixième point concernant l'histoire de Cheikh Kung Fu. Dans son audio, Sofiane donc a nié cette histoire. Sofiane a totalement nié cette histoire et il a cité plusieurs illa, plusieurs défauts qui, selon lui, montrent que c'est une information fausse et mensongère. Donc tout d'abord, je vais expliquer ce qui s'est passé. Des amis à moi que je connais depuis plus de 10 ans, Abdel Hakim de Bobigny et Hudhaifa de Drancy, qui sont des frères sérieux et loin des histoires, ces frères-là m'ont appelé un jour et ils m'ont dit qu'ils venaient d'apprendre que Sofiane s'était moqué de Cheikh Rabia en l'appelant Cheikh Kung Fu. Ils étaient dans le restaurant de Abdel Hakim au Blanc-Ménil, qui s'appelle le Wimpy et qui est à côté de la mosquée où Amjad était imam, Amjad Abu Zainab. Donc ils étaient dans le restaurant de Abdel Hakim, le Wimpy, et ils étaient en train de discuter avec un bon ami à Hudhaifa qui s'appelle Kamel de Gennevilliers et qui est un frère âgé et ancien dans le Minhaj. Puis le frère Kamel leur a dit que son frère lui avait rapporté qu'il était un jour dans un restaurant avec Sofiane et Bouzaïd et qu'ils avaient appelé Cheikh Rabir, Cheikh Kung Fu en se moquant. Abdel Hakim et Hudhaifa, étonnés par la parole, ont demandé au frère Kamel d'appeler son frère sur place afin de parler avec lui et d'entendre cette histoire de sa propre bouche. Et le frère de Kamel leur a raconté ce qui était arrivé en détail. Mais à cause d'interférences dans la communication, Abdel Hakim et Hudhaifa ont entendu que c'était Sofiane qui avait dit la parole. Et ils me l'ont rapporté tel quel, sans rien rajouter ou modifier. Quand ils m'ont cité cela, je leur ai dit que j'avais déjà entendu parler de cette histoire de la part de Abdelkarim de Montreuil, mais que je ne me souvenais pas ce qu'il m'avait dit. En tout cas, ça faisait trois personnes que je connais depuis longtemps, comme étant des gens de confiance, qui me rapportaient cette information. Abdel Hakim, Hudhaifa et Abdelkarim de Montreuil. Ensuite, le lendemain, Hudhaifa a rappelé le frère de Kamel pour reconfirmer la parole. Et le frère de Kamel lui a dit qu'ils avaient mal entendu ce qu'il leur avait dit la veille, et qu'il leur avait dit que c'était Bouzeid, l'auteur de la parole, et que Sofiane en avait rigolé. Et donc, quelques jours après, Abdel Hakim m'a appelé, et durant notre discussion, il m'a informé qu'il y avait eu une erreur dans ce que lui et Hudhayfa m'avaient rapporté de Sofiane, et qu'en fait, donc, c'était Bouzeid qui avait dit cela, et que Sofiane était présent et en a rigolé. Et quand Abdel Hakim m'a dit cela, je lui ai dit que de toute façon, ça revenait au même, car Sofiane ne devait pas cautionner ce genre de dénigrement envers un cher salafi. Puis les mois ont passé. Et quand j'ai parlé de cette histoire, j'ai dit que Sofiane avait dit cela sur Cheikh Rabir, car c'est ce qui était resté gravé dans ma mémoire. Et j'avais complètement oublié que Abdel Hakim m'avait rectifié l'information au milieu d'une discussion. Puis quand ma mise en garde a été propagée, Abdel Hakim m'a immédiatement contacté pour me dire que je m'étais trompé et qu'il m'avait même appelé un jour pour me rectifier l'information. Et donc de là, j'ai corrigé ma parole. Et ceci montre la fausseté de l'accusation de Sofiane à mon égard lorsqu'il a dit que ce n'est qu'après avoir parlé qu'il m'est venu à l'esprit d'aller vérifier l'information. Je n'ai pas été vérifier l'information. Ce n'est pas moi qui ai appelé Abdel Hakim pour aller vérifier, car c'est ce qui était resté gravé dans ma mémoire. C'est Abdel Hakim lui-même qui m'a appelé. Lorsqu'il a entendu ma parole sur le net, il m'a appelé de lui-même pour me corriger l'information. Et moi, dans cette histoire, j'ai eu ce qu'on appelle un wahm. Dans le hadith, on appelle ça un wahm, c'est-à-dire un oubli. Et il faut savoir que le wahm, l'oubli, le fait que l'oubli d'un rapporteur, le fait que celui qui rapporte le hadith a un oubli, cela ne fait pas de lui un rapporteur faible dont on délaisse totalement les hadiths. Sauf si cela devient fréquent chez lui, comme l'ont détaillé les muhaddithin. As-Sakhawi, dans son livre, Sharh al-Taqrib wa al-Taysir, qui est une explication du livre de Nawawi dans la science du Mustalah, Taqrib al-Nawawi dans la science du Mustalah. Donc, As-Sakhawi, il a écrit donc une explication à ce livre-là. Et il dit dans son livre, As-Sakhawi, lorsqu'il parle, ou plutôt lorsqu'il explique la parole de Nawawi, quand Nawawi il dit, on connaît sa mémorisation, c'est-à-dire la mémorisation du rapporteur, par son accord en général avec les gens dignes de confiance et experts. Et le fait qu'ils les contredisent rarement, ne nuit pas. Par contre, si ça se multiplie, alors sa mémorisation est défectueuse et on ne prend pas ce qu'il rapporte. Je l'ai traduit directement pour raccourcir, pour éviter d'être trop long. Donc ça, c'est la parole de Nawawi. As-Sakhawi, il explique et il dit, et le fait qu'il les contredise rarement ne nuit pas, car le bienheureux est celui dont les erreurs sont comptées. Et qui est exempt de l'erreur? Oui, si sa contradiction augmente un peu, il sera à un degré plus bas que le précédent. Par contre, si ça se multiplie, c'est-à-dire sa contradiction aux gens dignes de confiance, si elle se multiplie, alors sa mémorisation est défectueuse et on ne prend pas ce qu'il rapporte. Donc As-Sakhawi, ici, il explique, et il rajoute encore plus de détails à ce que Nawawi dit dans son livre, comme quoi que le fait que le rapporteur, il lui arrive de se tromper quelquefois, que cela ne le rend pas faible. Et matrouk, dans le langage du Mustalah, on l'appelle matrouk, c'est-à-dire celui qui est délaissé, on ne prend pas ce qu'il rapporte. Donc le fait que le rapporteur se trompe quelquefois, cela ne fait pas de lui quelqu'un dont on délaisse totalement les hadiths. Également Al-Zahabi, dans son livre Al-Muqidha, il dit, qui est un livre de Mustalah, il dit, et ne fait pas partie de la définition du thiqa qu'il ne commette pas d'erreur et qu'il ne se trompe pas. Il ne fait pas partie de la définition du thiqa qu'il ne commette pas d'erreur et qu'il ne se trompe pas du tout. Ensuite, il dit, et qui est préservé de cela ? Autre que l'infaillible, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'est pas laissé sur l'erreur. Et également Sofiane al-Thawri. Hein ? Sofiane al-Thawri également. Il disait, presque personne n'échappe à l'erreur. Si ce qui prévaut chez l'homme est la mémorisation, il est un hafiz, c'est-à-dire un mémorisateur, quelqu'un dont on rapporte les hadiths. Si ce qui prévaut chez l'homme est la mémorisation, il est un hafiz, même s'il lui arrive de se tromper. Et si ce qui prévaut chez lui est l'erreur, alors on le délaisse. Ya Sofiane, si seulement tu avais lu ce genre de paroles de Sofiane al-Thawri et de d'autres, car les paroles des imams du hadith sont nombreuses sur le sujet, pour expliquer qu'on ne rejette pas les informations d'un rapporteur qui se trompe rarement. Et celui qui veut plus de détails sur ce sujet, qu'il revienne au livre de référence dans les sciences du hadith, comme Al-Kifaya fi ilm al-Riwaya d'Al-Khatib al-Baghdadi par exemple. Dans ce livre, par exemple, il y a un chapitre consacré, il y a un chapitre spécial dont le titre est comme quoi celui qui est revenu sur un hadith dans lequel il s'était trompé, alors que ce qui prévaut chez lui est l'authenticité, cela ne lui nuit pas. Cela ne lui nuit pas. Donc Sofiane, arrête de vouloir faire croire aux gens que, yani, tu connais les sciences du hadith, car tu en es bien loin. Ceci dit, comme je disais, Sofiane, donc, il a cité plusieurs défauts à cette information. Il a dit qu'elle est faible à cause de trois choses, en résumé. D'une, à cause de la confusion, elle est tirab. Hein? Il dit que ce hadith, il est muttarib, que cette information, elle est, on dit ce qu'on appelle muttariba. La deuxième des choses qu'il dit, pourquoi cette information est faible, il dit parce que la chaîne de transmission est nazil, elle est faible, elle est basse, Afwan, elle est basse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intermédiaires entre moi, et l'origine de l'information. Qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup d'intermédiaires entre moi et l'origine de l'information. C'est-à-dire celui qui rapporte directement la parole. Donc il dit que cette chaîne de transmission, elle est naze, elle est basse. Parce qu'il prétend que donc il y a beaucoup d'intermédiaires entre moi et l'origine de cette information. Et la troisième chose par laquelle il déclare cette information faible, c'est le fait que je n'ai pas cité les rapporteurs de la chaîne de transmission. Qu'on appelle en arabe, ou dans le langage terminologique du mustalah, on appelle Ibham al-Ruwat. Donc nous allons étudier ces trois illas, ces trois défauts, pour voir la réalité de ce que prétend Sofiane. Premièrement, l'ittirab, la confusion. Donc Sofiane, il cite la définition de l'ittirab chez les gens du hadith, en expliquant que la confusion, elle peut apparaître dans la chaîne de transmission ou bien dans le hadith en lui-même, et il a donné des exemples de cela. Et en gros, l'ittirab, c'est que donc, le muhaddith ou le rapporteur, des fois, si par exemple c'est dans la chaîne de transmission, des fois il va dire que c'est un tel qui m'a dit, et des fois il va dire c'est un tel qui m'a dit, un autre. Très bien. Mais ici, ce qui a manqué à Sofiane pour que sa critique s'applique dans mon cas, c'est qu'il n'a pas su, ou alors il a oublié, que parmi les conditions pour considérer un hadith muttarib, c'est-à-dire confus, il ne faut pas que l'un des deux hadiths prévale sur l'autre. Et je ne vais pas m'attarder à citer les paroles des savants du hadith sur cela, car c'est une chose connue chez eux. Et celui qui veut plus de détails, qu'il revienne au livre de référence dans le sujet, et notamment le livre que j'ai cité précédemment, « Sharh al-Taqrib wa al-Taysir de Sakhawi ». Parce que si on regarde ce qui s'est passé dans mon cas, ce n'est pas de l'ittirab, ce n'est pas une confusion de ma part, mais c'est une rectification de l'information. C'est une rectification de l'information. Je n'ai pas été dans le doute. Des fois, je dis, c'est Sofiane. Non, c'est Bouzed. Non, c'est Sofiane. Je n'ai pas été dans le doute. Naam. Ce qui s'est passé, c'est une rectification de l'information. J'avais dit que Sofiane était l'auteur de la parole, mais en fait, c'est Bouzaïd. Donc, j'ai annulé ma première parole et confirmé la deuxième. Et de là, il n'y a pas de contradiction. La première parole est caduque. Et c'est la deuxième qui est à prendre en considération et qui est en vigueur. Hein? Un petit peu comme l'abrogeant et l'abrogé. Décidément, il revient souvent dans notre histoire. Hein? J'ai abrogé ma première parole par la deuxième lorsque je me suis rendu compte de mon erreur. Donc ici, Sofiane, tu t'es trompé et tu as contredit les règles du savant du hadith en qualifiant cette information d'ittirab. Ça ne rentre pas du tout dans ce que les savants appellent l'ittirab. Et le pire, c'est que Sofiane, quand tu parles de cela dans ton audio, tu dis, celui qui connaît un minimum ilm al-hadith, il connaît l'ittirab fil hadith. Parce que les frères, ils aiment bien dire « djerhot ta'adil, djerhot ta'adil ». Et qu'est-ce qu'ils sont lointains de cette science. Subhanallah. Une fois de plus, Sofiane veut se faire passer pour celui qui maîtrise les sciences islamiques. Et ici notamment celle du hadith. Et il tente de dénigrer les frères salafis en disant qu'ils parlent de djerhot ta'adil mais qu'ils ne connaissent rien de cela. Eh bien, que va-t-on dire de toi maintenant, Sofiane? Toi qui n'as pas su que les conditions... Toi qui n'as pas su que les conditions du hadith muttarib n'étaient pas présentes ici. Ça commence à bien faire, Sofiane. Yani, tu te fais passer pour celui qui connaît le fiqh hanbalite. Puis tu fais des fatwas catastrophiques qui montrent ton ignorance et ta mauvaise compréhension du fiqh. Tu te fais passer pour celui qui connaît la science du usul al-fiqh. Puis tu dis des choses qui n'existent pas dans les livres de usul. Ce qui montre ton ignorance et ta mauvaise compréhension du usul. Tu te fais passer pour celui qui connaît les sciences du hadith. Puis tu mélanges tout et tu fais des hors-sujets dans l'application des règles de Mustalah. Ce qui montre ton ignorance et ta mauvaise compréhension des sciences du hadith. Arrête de dénigrer les frères salafis. Arrête de les critiquer. Arrête de les accuser d'ignorance alors que tu es plus ignorant qu'eux dans ce que tu leur reproches. Et le pire, c'est que tu mens aux frères, tu mens aux savants, et tu mens dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arrête, Ari. Arrête de te prendre pour un mujtahid. Arrête de te prendre pour un mujaddid, ou je ne sais qui, ou je ne sais quoi. Reste à ta place, et suis le chemin des savants salafis, reconnus. Ce sera meilleur et plus sûr pour toi. Wallahi, pendant des années, j'entendais des paroles graves provenant de toi. Mais malgré cela, j'espérais que des frères allaient réussir à te faire comprendre que tu étais sur une mauvaise voie et que tu allais revenir à la raison. Wallahi al-Azim, je ne voulais pas en arriver à mettre en garde contre toi. Mais quand on voit ton arrogance et comment tu rabaisses les gens, alors que toi-même tu n'as rien, on ne peut pas rester muet et laisser les gens s'égarer à cause de toi. Sais-tu que quand je suis parti voir Cheikh Rabi' avec trois autres frères de Médine, il y a 5 ou 6 mois de cela, pour lui exposer certaines choses que toi et tes amis dites dans vos audios ou des choses que vous écrivez dans vos mails, sais-tu que Cheikh Rabi' nous a dit ce jour-là, si ces gens-là disent réellement ce que vous avez rapporté, il apparaît que ces gens sont sur la même voie qu'Abul Hassan al-Ma'ribi et Ali Hassan al-Halabi. Voilà ce que Cheikh Rabi' nous a dit. Le savais-tu? Donc je vous conseille, à toi et à tes camarades, de revoir votre manhaj. Ensuite, yani, parmi les choses par lesquelles Naam, tu as donc annulé cette information, tu as dit que c'est une information nazila. Hein? Parmi les défauts de cette information, le fait que quoi? Qu'elle est nazila. Yani, tu supposes qu'il y a beaucoup, tu as supposé qu'il y avait beaucoup d'intermédiaires entre moi et celui qui a rapporté l'information en premier. Et tu as fait rentrer cela dans ce que tu as, dans ce qui est connu. Naam, tu as fait rentrer cela dans ce qui est appelé hadith nazil. Et ça, c'est encore une de tes catastrophes, Sofiane, dans les sciences du hadith. Premièrement, qui parmi les muhaddithin, qui parmi les savants du hadith, t'a précédé dans le fait d'affaiblir un hadith par un nuzul, par la bassesse? en disant que c'est une illa, c'est un défaut, hein, c'est un défaut dans le hadith qui fait que l'on rejette ce hadith. Qui t'a précédé dans cela? Hein? Je te le dis en arabe pour ne pas que tu sortes du sujet. Man min al muhaddithin sabaqa fi ta'lil hadithin bin nuzul. Qui? J'attends une réponse claire de ta part, car je n'ai jamais entendu cela dans les sciences du hadith. Mais bon, comme je ne suis pas un spécialiste dans les sciences du hadith, il est possible que je ne sois pas tombé dessus. Je t'accorde que le fait qu'il y ait beaucoup de rapporteurs dans la chaîne de transmission d'un hadith va obliger le muhaddith, hein, à faire un plus gros effort pour vérifier l'authenticité de ce hadith. Mais comme je t'ai dit, je n'ai jamais entendu un muhaddith, un savant du hadith, citer comme illa à un hadith le fait qu'il y ait beaucoup de personnes, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes dans la chaîne de transmission. Et à l'occasion, je t'invite à aller lire ce qu'Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, a dit sur cette question dans son livre Nuzhat al-Nazar fi tawdih nukhbat al-fikr, qui est un livre résumé et condensé dans la science du mustalah. Et surtout, ne va pas lire de longs ouvrages dans cette science, comme tu as déjà essayé de le faire. Sinon, tu vas encore te perdre dans ta compréhension, comme tu t'es déjà perdu auparavant avec la parole de Sakhawi, qu'il n'est pas permis de critiquer pour deux choses lorsqu'une seule suffit. Wallahu al-musta'an. Et deuxièmement, par rapport à ce ta'lil, par rapport à ce défaut, yani, je te demande, Sofiane, qui t'a dit que mon information était basse? Yani, qui t'a dit qu'il y avait plusieurs intermédiaires, c'est-à-dire plusieurs degrés, entre celui qui a rapporté l'information en premier et moi-même? Là, tu as parlé et tu t'es avancé sur l'invisible. Dans la chaîne de transmission, entre moi et celui qui a rapporté l'information en premier, il n'y a qu'une tabaka. Il n'y a qu'un degré, car les frères qui m'ont rapporté l'information ont entendu l'information directement du témoin de la scène. Donc là, au contraire, c'est un isnad d'Ali. C'est une chaîne de transmission haute, élevée, non pas une chaîne de transmission basse, comme tu l'as prétendu. Ensuite, la troisième illa, le troisième défaut, c'est ibham al-ruwat, le fait de ne pas avoir cité les rapporteurs. Et ici, oui, en effet, c'est une vraie illa et c'est un défaut influent dans le hadith. Mais tu as pu voir maintenant que j'étais cité ceux qui m'ont rapporté cette information. Et pour terminer avec cela, j'aimerais dire que le témoin de la scène a confirmé cette histoire trois fois aux frères Abd al-Hakim et Hudhayfa. La première fois, lorsqu'ils l'ont appelé pour entendre l'histoire de sa bouche. La deuxième fois, lorsque Hudhayfa l'a contacté le lendemain pour vérifier l'information. Et la troisième fois, lorsque Hudhayfa l'a contacté pour lui faire savoir que Bouzaïd et Sofiane niaient l'information, et une fois de plus, il a confirmé sa parole et il était étonné que les frères nient cette chose-là. Donc maintenant, Sofiane et Bouzaïd, quoi qu'il arrive, ils nieront toujours ces faits. Et ça ne sert à rien de polémiquer sur le sujet car ça ne se finira jamais. Mais en tout cas, toutes les paroles que j'ai citées plus haut montrent bien que ces frères ont l'habitude de dénigrer les savants salafis qui mettent en garde contre leur chouyour. Wallahu musta'an. Le septième point que je voulais aborder, c'est lorsque Sofiane, vers la fin de l'audio, il dit sur moi et sur les frères Salafi, ils ont réussi à inventer Al-Irtizal fil Manhaj. Hein? Al-Irtizal fil Manhaj, c'est le septième point, Al-Irtizal fil Manhaj. Donc, Sofiane, il nous dit qu'on a inventé Al-Irtizal fil Manhaj. Et je vais expliquer ce qu'il a voulu dire. En fait, ici, Sofiane, il fait allusion au fait que j'ai dit que je ne le faisais pas sortir de la salafia et qu'en même temps, j'ai dit qu'il avait de gros problèmes dans le manhaj et qu'il contredisait la voix des salafs dans certains points. Donc lui, il compare cela à la croyance de la secte des Mu'tazilites sur leur croyance concernant al-manzila bayna al-manzilatayn, c'est-à-dire la position intermédiaire entre la foi et la mécréance. Parce que les Mu'tazilites, ils disent du musulman qui commet un grand péché qu'il n'est ni croyant ni mécréant, mais qu'il est dans une position intermédiaire entre les deux, et dans l'au-delà, il sera éternellement en enfer. Donc, lorsque tu leur poses la question sur un musulman qui commet un grand péché, ils te disent non, ce n'est pas un croyant, non, ce n'est pas un mécréant. Il est quoi alors? Il est dans une position intermédiaire entre les deux. Taïb. Donc, Sofiane, il dit que quoi? Que quand je dis sur lui que je ne le fais pas sortir de la salafia mais qu'il contredit la voie des salafs, il dit que ça ressemble à la croyance des Mu'tazilat de Manzila Bayn al-Manzilatayn, et que donc j'ai inventé une position intermédiaire entre la salafia et la bid'a. Entre la salafia et la bid'a. Et ceci nous montre encore une fois, hein, une fois de plus, ceci nous montre l'ignorance de Sofiane et de ceux qui disent la même parole que lui sur les salafis, comme le fameux Hatim Abu Abdillah. Et là, je vais répondre brièvement aux deux en même temps, Sofiane et Hatim. Tout d'abord, je leur demande, est-ce que j'ai déjà dit de quelqu'un qu'il n'est ni salafi ni innovateur? La réponse, non, jamais. Donc déjà, cette parole est un mensonge sur moi et sur les salafis en général. Ce que nous disons, c'est que d'un point de vue global, le musulman, il fait soit partie des salafis, soit il fait partie des innovateurs. D'accord? D'un point de vue global, le musulman, il fait soit partie des salafis, soit des innovateurs. Mais il se peut que nous ne connaissions pas une personne particulière. Et donc, nous nous abstenons de poser un de ces deux jugements sur lui, jusqu'à ce que nous le connaissions mieux. Donc, il est soit salafi, soit innovateur. Mais moi, comme je ne le connais pas, je ne peux pas me permettre de dire de lui qu'il est salafi ou de dire de lui qu'il est innovateur. Jusqu'à ce que je regarde son état, je regarde ses paroles, je regarde sa croyance, je regarde qu'est-ce qu'il dit. Et de là, je saurai est-ce qu'il est sur la voie des salafs ou est-ce qu'il est sur une voie égarée. Si on nous interroge sur cette personne qui nous est inconnue, hein, on va répondre, on ne connaît pas cette personne, donc on ne peut pas se permettre de dire qu'il est ci ou ça, jusqu'à ce que l'on voit ses paroles et ses actes, s'ils sont en conformité avec la voie des salafs ou non. Donc il est dans une des deux cases, salafi ou innovateur. Mais vu que nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas le juger, sinon ce sera un jugement par ignorance et c'est interdit. Et cela ne veut pas dire que les salafis, hein, cela ne veut pas dire que nous les salafis, on va douter sur tous les musulmans, ou que l'on ne va pas prier derrière eux, ou que l'on ne va pas prier sur eux à leur mort, jusqu'à se vérifier est-ce qu'ils sont salafis ou non. Hein, comme l'a prétendu Hatim en parlant des salafis. Jamais de la vie. Aucun salafi ne fait cela. Aucun salafi ne fait cela. Ni douter sur tous les musulmans comme ça, tu vois un musulman dans la rue, tu ne vas pas lui passer le salam. Ou bien tu rentres dans la mosquée, hein, et puis il y a quelqu'un qui est en train de prier. Par exemple, tu as raté la prière obligatoire et puis il y a une deuxième jamaa et tu ne connais pas celui qui est en train de diriger la prière. Est-ce qu'il y a un salafi qui dit non, je ne prie pas derrière celui-là qui est en train de diriger la prière jusqu'à ce que je sache que c'est un salafi? Ou jusqu'à ce que je recherche sa croyance? Il n'y a aucun salafi qui dit cela. Ou bien on te présente quelqu'un qui est mort. Hein, il y a une salat janaza sur quelqu'un. On va faire salat janaza sur quelqu'un. Hein, est-ce qu'il y a un salafi qui vient et qui dit non, moi je ne prie pas sur lui jusqu'à ce que je me renseigne sur sa croyance? Subhanallah. Nous les salafis, nous gardons une bonne pensée sur le musulman qui est mastour, c'est-à-dire le musulman dont l'état nous est inconnu. On sait que c'est un musulman, mais on ne connaît pas plus que cela sur lui. Nous gardons une bonne pensée sur lui. Puis s'il y a une chose qui nous pousse à nous renseigner sur lui, on le fera. Comme dans le cas où on voudrait prendre la science de lui. Ou également dans le cas où on veut prendre cette personne comme ami et compagnon. Ou toute autre raison valable islamiquement. Par contre, on ne va pas aller voir chaque musulman dans la rue pour lui demander est-ce qu'il est salafi. Comme ça, sans raison valable. On va aller le voir comme ça pour lui demander est-ce qu'il est salafi. Ou on va chercher à savoir est-ce qu'il est dans la bid'a. Alors qu'il n'y a aucune raison valable islamiquement parlant. Et donc, pour que ce soit un peu plus clair, je vous donne un exemple. Toi, par exemple, si quelqu'un que tu ne connais pas vient faire des cours dans ta mosquée, c'est quelqu'un, les vieux de ta mosquée, ont amené quelqu'un pour faire des cours dans la mosquée. Est-ce que tu vas inciter les gens à assister à ces cours? Je ne pense pas. D'accord. Est-ce que tu vas mettre les gens en garde contre ces cours? Je ne pense pas non plus. Que vas-tu faire alors? Tu vas attendre de voir ses paroles, ses actes et ce à quoi il appelle. Puis une fois que tu te seras assuré qu'il est sur le chemin des salaf salih et qu'il parle avec science, à ce moment-là, tu inciteras les gens à assister à ses cours. N'est-ce pas? Voilà. Et de là, j'ai une question à vous poser. Yani, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi les savants salafis ne font-ils pas de test qu'il y a à tous ceux qui enseignent? Dès qu'ils entendent parler d'eux, on leur dit, ouais, un tel qui est professeur dans telle école islamique. Hein? Yani, est-ce que vous avez déjà vu que les savants, à peine on leur dit qu'il y a un tel, par exemple, il est prof dans une école islamique, et qu'ils tout de suite ils vont lui faire une test qu'il y a, ils vont dire oui et tout, aller profiter de cette personne-là, aller étudier chez lui? Hein? Il pourrait le faire en se disant, après tout, la base du musulman, c'est qu'il ne commet pas de shirk, qu'il ne commet pas de bid'a, ou qu'il ne commet pas de péché, et qu'il est sur le droit chemin. Donc, et ça tout, aller étudier chez lui, il pourrait se dire ça. Mais ils ne le font pas, pourquoi? Hein? Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils veulent tout d'abord s'assurer que cette personne est apte à enseigner, et qu'il est sur un manhaj correct. Donc, allez-vous dire que ces savants doutent des musulmans et qu'ils sont la cause de la division et de la haine entre les musulmans, ou bien qu'ils ont inventé une position intermédiaire? Ni je ne lui fais d'éloge, ni je ne le critique. Hein? Vous allez dire ça sur eux? Allah Musta'an. Un autre exemple, yani, encore plus simple. Quelqu'un que tu ne connais pas, il vient demander ta fille en mariage. Hein? C'est un musulman. Non, tu sais que c'est un musulman. Non, mais tu ne le connais pas. Il vient demander ta fille en mariage. Est-ce que tu vas accepter de le marier à ta fille alors que tu ne connais ni sa droiture dans la religion et ni s'il a un bon comportement? Tout être doué de raison, même les mécréants, hein, même un mécréant ne va pas marier sa fille à quelqu'un qu'il ne connaît pas, jusqu'à ce qu'il s'assure que ce prétendant est un homme convenable et qu'il va convenir à sa fille. Tous les êtres responsables sont unanimes sur cela. Et personne ne va dire à celui-là, hein, personne ne va lui dire à celui-là qui se renseigne sur le prétendant de sa fille, hein, personne ne va dire sur lui qu'il doute, hein, qu'il doute des gens, qu'il doute des musulmans, qu'il cause la division et la haine, qu'il a inventé une position intermédiaire, ni je ne le marie à ma fille, ni je ne le marie pas, etc., etc., parmi yani, les khouza'balat, hein, et les... je sais pas comment traduire ça. Bref, donc, ça c'est un premier élément de réponse à ce mensonge sur les salafis. Comme quoi qu'on a inventé une position intermédiaire, qu'on dit qu'il y a des gens qui sont ni salafis et qui sont ni mubtadir, qui sont ni innovateurs. Hein, une position intermédiaire entre la salafia et la bid'a. Donc, personne parmi les salafis ne dit cela. Mais lorsqu'on se tait sur une personne, qu'on ne dit pas de lui qu'il est salafi et qu'on ne dit pas de lui qu'il est innovateur, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Taïb. Ensuite, je dis à Sofiane, parce qu'il dit, hein, il me reproche d'avoir dit que je ne le fais pas sortir de la salafia, et qu'en même temps je dis qu'il a des contradictions dans le manhaj, qu'il a des erreurs dans le manhaj, ou des gros problèmes dans le manhaj. Donc je lui dis, est-ce que pour toi, toute personne qui tombe dans l'innovation est un innovateur? Hein? Est-ce que pour toi, Sofiane, toute personne qui tombe dans l'innovation est un innovateur? Si tu y réponds que oui, toute personne qui tombe dans une innovation est un innovateur sans faire de détails, alors tu es tombé dans la haddadiyya. Et si tu dis non, que ce n'est pas toute personne qui tombe dans une innovation, hein, si tu dis que non, ce n'est pas toute personne qui commet une innovation qui est forcément un innovateur, alors là tu seras sur la voie des salafs. Et après cela, il y a dans cette question des détails très compliqués pour la plupart d'entre nous, donc je ne préfère pas aller plus loin dans l'explication. Mais en gros, ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que, yani, une personne peut commettre une innovation, une personne peut contredire la voie des salafs dans certains points, et pourtant, on ne va pas dire de lui que quoi? Que c'est un innovateur. On ne va pas dire de lui que c'est un innovateur. D'accord? Donc, notre parole, quand on dit cela, n'a rien à voir avec la croyance des Mu'tazila, comme vous essayez de le faire croire, Wallahu al-musta'an. Et enfin, le dernier point, et c'est là-dessus que je terminerai, inshallah, c'est à un moment dans son audio, Sofiane dit qu'il a un paquet de choses à dire sur moi, et il cite rapidement quelques exemples. Donc je lui réponds tout simplement, dis ce que tu as à dire sur moi, que l'on voit un petit peu ta précision dans la vérification des informations. Puisqu'apparemment, vous seriez des gens qui ne rapportent que des informations sûres. Eh bien vas-y Sofiane, montre-nous cela. Et il y a un point qui m'a fort étonné, c'est que Sofiane, après qu'il ait cité des exemples de ce qu'il a sur moi, il dit, et on met de côté les histoires de « je me suis repenti ». Ça marche plus. Ajib. Je ne sais pas si pour Sofiane, je n'ai pas le droit au repentir, ou que mon repentir n'est pas acceptable, mais en tout cas, c'est ce qu'il laisse sous-entendre par cette parole. Et heureusement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne, et que les portes du repentir ne sont pas entre les mains des êtres humains, parce que sinon on aurait du mal à obtenir le pardon de notre Seigneur le Très-Haut. Et ici, Sofiane, tu vois, moi, contrairement à toi, à aucun moment, je ne t'ai fermé la porte au repentir. Ou j'ai rejeté ton repentir. Et même si j'avais voulu la fermer, je n'aurais pas pu. Car mon dogme, hein, ma croyance, ma aqida, c'est la aqida islamiyya sahiha. C'est la croyance islamique authentique. Le dogme des gens de la sunna et de la jama'a, ahle sunnati wal jama'a. Le dogme des salaf salih, des pieux prédécesseurs. Et fait partie de notre croyance que le repentir n'appartient qu'à Allah seul. Et fait partie de notre croyance qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur. Et fait partie de notre croyance que le repentir de l'homme est accepté tant qu'il n'est pas à l'agonie et tant que le soleil ne s'est pas levé de son coucher à l'ouest. Ya akhi, tu peux toujours te repentir tant que tu es en vie. Donc profite de ta vie pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et cheminer sur la voie des salaf salih véritablement. Si tu es véridique, reconnais tes fautes et repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Et wallahi, que ça ne fera que t'élever auprès d'Allah et auprès des gens. Wallahi, que cela ne fera que t'élever auprès d'Allah et auprès des gens. Et le fait de revenir à la vérité est préférable plutôt que de s'entêter dans le faux. C'est ainsi que se termine le résumé de ma réplique à l'audio de Sofiane Abou Ayoub. Et il y a beaucoup de points que je n'ai pas abordés dans ce résumé, de peur d'être encore plus long que cela et peut-être même moins compréhensible. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, de nous accorder à tous la science bénéfique et les œuvres pieuses, de faire de nous tous des gens sincères, véridiques et conformes à la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. De même que je lui demande de tous nous guider à la vérité entière et de tous nous préserver de l'égarement après la guider. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين